Donc maintenant on va parler, David et Mohamed vont nous parler de la sociocratie. Donc si tu sais le format, je vais vous présenter en 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et après on fait un tour de parole avec les gens et puis on discute entre les gens de l'Assemblée. Donc c'est à vous maintenant. Qui veut commencer? Ok, bonjour. Voilà, donc moi c'est David. Voilà David, et on va vous, je vais vous parler avec Mohamed de. Alors on a mis sociocratie, mais peut-être on va ouvrir un peu plus. En gros, on va parler de gouvernance. Voilà, de gouvernance et de nouvelles formes de gouvernance qui existent aujourd'hui. Donc ça c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal de temps aujourd'hui. Et je suis avec Mohamed. Oui, bonjour tout le monde, Mohamed, du coup avec David on est dans la même organisation et on travaille sur ces nouvelles formes d'organisation. Pareil, moi ça fait quelques temps que ça m'intéresse de savoir comment on interagit ensemble en tant qu'humain et comment on décide ensemble ou comment on impulse des dynamiques ensemble. Moi je m'étais engagé en lien avec des mouvements algériens il y a quelques années déjà. Et du coup, depuis ce jour-là, je m'intéresse beaucoup à la démocratie en général et à toutes les nouvelles formes de communication et d'organisation humaine. Je vais laisser David entamer et puis je poursuivrai. Yes, merci. Déjà, on parle donc, on a dit deux mots, gouvernance, organisation. Quand on parle d'organisation, quand je parle d'organisation, je parle des groupes humains qui se assemblent ensemble pour faire des choses. Donc on connaît tous des exemples d'organisation, c'est des entreprises, c'est des partis politiques, c'est des associations, c'est des mouvements sociaux comme ici aujourd'hui. Et la gouvernance, il y a plein de définitions, il y a même une norme ISO je crois qui existe pour ça. En tout cas, ce que j'appelle moi par gouvernance, c'est comment on prend ensemble des décisions et comment on les met en application. Voilà, pour faire vraiment simple. Ok. Du coup, ce qu'on peut dire de la gouvernance, c'est qu'elle a évolué à travers le temps. Je ne vais pas refaire un historique complet, mais ce qu'on connaît majoritairement dans notre modèle, c'est une forme de gouvernance qu'on appelle pyramidale. Pyramidale, donc ça veut dire avec un pouvoir centralisé tout en haut de la pyramide. Et qui délègue des parties de pouvoir pour transmettre l'information et mettre en application les décisions qui sont prises tout en haut de la pyramide pour qu'elles soient appliquées tout en bas. Et là, on a une chaîne de responsabilité qui est mise en place. C'est encore le modèle dominant aujourd'hui. Il est critiquable à bien des aspects, mais il a été aussi super efficace pour construire des organisations qui sont stables dans le temps. Et qui arrive à déployer des décisions sur de larges échelles. Voilà. On peut dire qu'aujourd'hui, l'État français fonctionne sur ce modèle pyramidal, l'armée fonctionne, l'administration, et la plupart des entreprises fonctionnent aujourd'hui sur ce modèle pyramidal. Donc ça convient pas, et c'est là où on arrive à parler de la sociocratie qui arrive dans les années 70, dans les Pays-Bas. C'est un ingénieur hollandais qui reprend l'entreprise familiale et qui se rend compte qu'au niveau du conseil d'administration, c'est très compliqué, il y a plein de guerres de pouvoir, c'est compliqué de prendre des décisions. Et il fait une analyse de ce qui se passe dans son organisation. Donc c'est un ingénieur, il a travaillé chez Philips avant, c'est quelqu'un qui est habitué, c'est un cybernéticien, donc il est habitué à tracer le parcours de l'information. Et quand il regarde l'organisation qu'il dirige, il se rend compte que l'information reproduit le modèle pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a de l'information qui descend, mais que l'information remontante n'existe quasiment pas. Et là il se dit qu'il y a un problème. Donc la sociocratie arrive, c'est donc de cette réflexion, et met en place des nouvelles choses. Les outils, on va dire, qui apparaissent sont plusieurs. Déjà, c'est la notion de cercle, donc de créer un, de créer des cercles par entité. C'est-à-dire qu'avant, on avait deux étages de la pyramide et puis des équipes avec un chef et puis des gens qui font ce qu'on leur demande. Là, on va dire qu'on prend le mec qui est au-dessus et puis des gens qui sont au-dessous. Et puis, s'ils font tous la même chose, la même activité, on va dire que c'est dans un même cercle. Et que dans ce cercle, les gens sont dans une posture d'équivalence, c'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire finalement sur les décisions qui impactent ce cercle. Et la deuxième chose, c'est la gestion par consentement. Donc c'est comment on prend les décisions. Donc la gestion par consentement, c'est donc prendre des décisions ensemble dans ce cercle par consentement. Donc le consentement, souvent... donc le consensus, on sait ce que c'est. Le consensus, c'est tout le monde est d'accord sur tout. Le consentement, c'est personne n'est contre. C'est-à-dire que on prend une décision ensemble. Je suis pas forcément à 100% d'accord avec la décision, mais je peux vivre avec. C'est la petite nuance qui fait qu'on va essayer de chercher un équilibre entre on écoute tout le monde et on prend en compte la voix de chacun, et en même temps une certaine un certain souci d'efficacité. Et pour cette efficacité, on va justement décorréler les décisions. Il y a les décisions, on va dire, stratégiques, organisationnelles, celles qui concernent tout le monde. Là, on va les prendre justement en gestion par consentement. On va faire en sorte que tout le monde ait son mot à dire et que si on a une objection, donc dans la gestion par consentement, on parle d'objection raisonnable. On va définir clairement ce que c'est qu'une objection. Et il faut qu'elle soit argumentée. Et quand elle apparaît, on va essayer de la lever ensemble. Pour les décisions stratégiques, organisationnelles, on part du principe qu'il faut que les décisions soient prises à zéro objection, c'est-à-dire lever toutes les objections. Et après, il y a des décisions opérationnelles. Là, on est beaucoup plus libre. On part plus sur des modèles d'auto-organisation. Mo, tu me dis hein, quand tu veux rajouter des trucs. voilà, donc le cercle, la gestion par consentement. Double lien, c'est-à-dire qu'avant, dans la pyramide, on avait un chef qui faisait descendre l'information et qui se trouvait un petit peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que quand en dessous, ils n'étaient pas contents, ils râlaient sur le chef et il fallait qu'il aille négocier avec le chef du dessus. Et donc, il se retrouvait un peu dans une position compliquée. Là, on crée un premier lien et un second lien. Le premier lien, son rôle, c'est de faire descendre l'information des cercles qui sont au-dessus. Et le second lien, de faire remonter l'information dans les cercles supérieurs. Ces deux personnes, ces deux rôles, premier lien et second lien, sont des personnes qui appartiennent aux deux cercles, le cercle du dessous et le cercle du dessus. Ok ? Donc comme ils appartiennent tous les deux au cercle du dessus, ils vont prendre des décisions dans le cercle du dessus aussi. Et donc ils ont le second lien, qui est désigné par l'équipe du cercle du dessous, va avoir un droit d'objection dans le cercle du dessus. Donc il est là pour... Voilà, donc ça c'est la mécanique du double lien qui est voilà. Et puis l'élection sans candidat, qui est la quatrième, on va dire, innovation de la sociocratie. L'élection sans candidat, c'est comment on va désigner les gens. Par exemple, comment on va désigner ce second lien. Et ben là, on va prendre, c'est une variante, moi je l'explique souvent comme une variation de la gestion par consentement, mais appliquée à désigner quelqu'un. Donc c'est comment on va dessiner ensemble. Sans qu'il y ait un candidat désigné au départ, on va décider ensemble de comment on a besoin de, qu'est-ce qu'on a besoin pour occuper ce rôle, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, et puis faire en sorte que ça soit aussi une décision qui convienne à tout le monde et qui soit prise à zéro objection. Voilà les quatre innovations de la sociocratie. Donc le cercle, la gestion par consentement, le double lien et l'élection sans candidat. Mo, je sais pas si tu veux rajouter des trucs là-dessus, préciser. Je vais peut-être poursuivre et pas rajouter des choses là-dessus. C'était clair pour moi en tout cas. À partir de cette innovation dans les entreprises à partir des années 70, en fait, en parallèle et un peu comme une synergie cohérente, apparaissaient partout en fait différentes innovations d'organisation un peu partout dans le monde, et en réalité même la sociocratie a impulsé une dynamique pour dans ce sens là dans le faire ensemble dans une organisation, un collectif, etc. Et à partir de là, il commence à y avoir, depuis ces temps-là, quelques concepts plus marketés en quelque sorte. On va parler d'holacratie, par exemple, qui est une variante de la sociocratie, mais qui est détenue en tant que marque par une organisation qui s'appelle Holacracy One aux États-Unis et qui développe ce type d'organisation dans des entreprises notamment. Et qui est une variante de la sociocratie au sens où elle est dans une logique systémique à dire ou du moins à déclarer que c'est la fin du management par exemple dans les entreprises et c'est le début des rôles et c'est le début du travail en systémique, c'est-à-dire par besoin on va avoir un cercle quand tu parlais tout à l'heure de cercle. L'idée, c'est qu'un cercle serve à quelque chose et que ce cercle, il n'existe pas pour exister, pour payer des salaires uniquement. Il existe parce qu'il a une utilité vis-à-vis de l'extérieur, voire vis-à-vis de la société en général. Et dans son existence, donc il a une vision commune, il a des besoins communs. À partir de ces besoins, il va créer des rôles, par exemple, il va créer des tâches, des redevabilités dans des rôles, où il va créer d'autres cercles, il peut créer tout ce qu'il veut. Il a cette souveraineté et ce pouvoir de créer ce dont il a besoin pour atteindre des objectifs. Et du coup, l'holacratie, à travers cette holacratie, on va parler en effet d'horizontalité, parce que je voyais qu'il y avait écrit gouvernance horizontale, mais on va également parler de verticalité. Lorsqu'on va créer un rôle, il s'agit bien d'une verticalité. Et c'est juste une autre forme de hiérarchie qui ne se base pas sur quelqu'un, comme le disait monsieur tout à l'heure, quelqu'un qui a fait des études pour devenir politicien et atteindre un pouvoir, mais plutôt on a un besoin, on est un groupe de personnes, on a un besoin et on va élire quelqu'un pour un rôle spécifique qu'on aura défini à la base parce qu'on en a besoin et pas parce qu'on a décrété qu'il y avait un chef ou il y avait... du coup là-dessus sur l'holacratie c'est quelque chose d'assez fermé au sens c'est vraiment un framework en informatique, c'est un logiciel dans lequel on va rentrer et donc on a quelques règles de base à appliquer, même si de par les besoins qui existent l'organisation peut se modifier, se transformer. Par ailleurs, il y a, tu pourras en parler mieux que moi, il y a des choses qui émergent. On parle de sociocratie 3.0, qui est une sorte de mix entre la sociocratie initiale, l'holacratie, puis d'autres organisations d'intelligence collective qui existent par ailleurs, et qui est une sorte de, une autre forme de framework, mais cette fois-ci un peu plus ouvert, libre d'accès. Il n'y a pas de marque détenue par quelqu'un. C'est libre d'accès, c'est une sorte de tiroir, de plein de tiroirs dans lesquels on peut se servir en quelque sorte et du coup adapter quelque chose à sa propre forme d'organisation, ses besoins propres en tant qu'organisation et du coup on va se servir des doubles liens, on va se servir de l'élection sans candidat, on va se servir de la gestion par tension dont on n'a pas parlé mais qui justement permet de faire évoluer l'organisation. Et plein d'outils qui existent qui permettent du coup d'être agile, d'être flexible et d'être du coup un peu efficace en quelque sorte, toutefois en prenant en compte les parties prenantes dans l'organisation. Et l'idée dans tout ça c'est aussi d'être dans des formes, on en parlait tout à l'heure, on savait pas trop si on en parlait ou pas et on n'est pas certain de maîtriser le sujet. Mais pourquoi parler de sociocratie et non pas de démocratie? C'est quoi cette nuance-là et pourquoi ce mot-là? Je vous avoue que je ne suis pas expert là-dedans, mais en lisant des trucs hier, ce que j'ai compris, c'était que la sociocratie est une forme de démocratie, mais qui justement change de terme pour amener une nuance qui est que le pouvoir appartient au peuple au sens de la démocratie, mais le pouvoir appartient à des sociétés et à la société. Au sens où avant d'appartenir au peuple, il faut passer par le fait qu'on devienne un groupe de personnes au sens de l'affect, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à partager ensemble, qu'on a des volontés, des envies de faire quelque chose, de construire quelque chose, et à partir de là, on fait un groupe, on fait société, et alors, bah, du coup, le pouvoir appartient aux personnes qui composent cette société. Donc c'est une nuance qui peut justement corriger des dérives de ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui dans nos sociétés, des dérives autoritaires, des dérives... Du coup, je sors peut-être un peu du sujet très sociocratie au sens entreprise, association, collectif, mais forcément il y a des liens entre ce qu'on appelle la démocratie au sens de l'État et des démocraties plus locales au sens collectif, groupe de personnes. Et du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu, ça fait écho au commencement peut-être de Nuit Debout, et puis à tous les mouvements sociaux qu'il y a depuis quelques mois autour de la loi travail, qui instaure, qui décrète la démocratie en entreprise, les référendums, tout ça. Sauf que ils décrètent ça comme quelque chose de magique. Allez, on instaure des référendums et c'est tout. Sauf que on le voit avec toutes ces nouvelles formes d'organisation, c'est hyper compliqué. Il s'agit de l'humain derrière, et l'humain il apprend des choses depuis très longtemps, et il peut pas switcher du jour au lendemain en démocratie sans être accompagné, sans qu'il y ait des contraintes, sans qu'il y ait et du coup il y a toute cette vision de la démocratie d'entreprise qui est juste aujourd'hui impossible à décréter comme ça. Et voilà, du coup c'est ça qui m'a inspiré d'être là à Nuit Debout et de parler de ça, c'est aussi de parler de démocratie d'entreprise, et c'est très très compliqué aujourd'hui étant donné la structure nationale d'État qui décrète qu'il y a une subordination entre l'employé et l'employeur, par exemple dans une organisation d'entreprise par exemple. Oui, pour merci Mo. Du coup, moi j'aime bien du coup le mot d'autorité qu'on a entendu, qu'on peut relier au mot de pouvoir. Pouvoir et autorité vont souvent ensemble. Ces nouveaux modes de gouvernance, c'est des modes qui sont là pour faire évoluer la question du pouvoir. Sur le modèle pyramidal, le pouvoir est principalement détenu tout en haut de la pyramide par soit une personne, soit un groupe d'actionnaires ou d'associés. Dans la sociocratie et puis sa succession, l'holacratie, puis la sociocratie 3.0, l'idée c'est de partir sur une distribution du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir n'est plus centralisé, il est distribué partout dans l'organisation, et c'est ça qui est peut-être assez déstabilisant quand on met en place ce genre d'organisation, c'est-à-dire que on va définir très clairement qui a le pouvoir sur quoi, et une fois qu'on lui a donné ce pouvoir, et ben il l'a. Et il faut qu'ils l'utilisent. Et ça, on n'est pas dans des modèles aujourd'hui où on a l'habitude d'avoir les pleins pouvoirs sur des sujets. Souvent, il faut qu'on en réfère à des supérieurs et attendre que l'information revienne. C'est d'ailleurs une des évolutions majeures de l'holacratie. Quand on parle de la sociocratie et de l'holacratie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image de l'organisation, elle a changé. Là, on est vraiment sur des modèles d'auto-organisation basés sur le vivant, comme... voilà, je suis un être vivant et mes cellules, mon corps, mes organes sont d'une certaine façon auto-organisés. Et donc c'est des modes de gouvernance qui vont essayer de tirer parti, d'essayer de comprendre comment fonctionne cette auto-organisation pour la transposer dans le monde des organisations humaines. En holacratie, la plus grosse évolution, c'est autant aux sociocraties, on a des cercles, mais on a quand même un cercle qui est tout en haut et donc qui détient un pouvoir. Là, on va organiser le pouvoir différemment, mais on va plutôt faire des cercles à l'intérieur des cercles. Et on se retrouve... le pouvoir central, on va le donner non plus à des personnes ou à un groupe de personnes, mais à un concept qui s'appelle la raison d'être, qui est une raison d'être évolutive. C'est-à-dire, on part du principe qu'un être vivant, il a une raison d'être. S'il est là, c'est parce qu'il a un but, une raison d'être. Cette raison d'être peut évoluer dans la vie. Et ben, on va dire qu'une organisation, c'est pareil. On va essayer de trouver ensemble c'est quoi la raison d'être de cette organisation. Et on va la mettre au centre. C'est elle qui va avoir le pouvoir, le dernier mot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette raison d'être elle est clarifiée, on va déterminer quel rôle on a besoin et qu'est-ce que l'organisation a besoin de faire pour... répondre à cette raison d'être. À partir du moment où je suis dans une organisation et je fais quelque chose qui répond et qui est aligné avec la raison d'être, on peut rien me dire. On peut pas me dire. On peut me dire peut-être. On faisait la même chose. On peut peut-être se réorganiser, trouver des ajustements. Mais c'est vraiment quand il y a un conflit entre les personnes, quand on a besoin de déterminer c'est quoi le prochain pas, comment on avance sur une question. C'est vraiment. C'est pas un big boss qui va avoir le dernier mot. On va vraiment. On va se questionner, savoir si est-ce que ce qu'on fait est aligné avec la raison d'être. Voilà, j'insiste sur ce concept parce que pour moi c'est vraiment la grosse évolution qu'apporte l'holacratie. Et tu parlais de la sociocratie 3.0 qui est on continue là-dessus, on est sur des métaphores du vivant mais aussi du logiciel. Donc on dirait qu'on essaie de trouver c'est quoi le logiciel qui peut faire fonctionner une entreprise comme si on était un organisme vivant. Et comme le logiciel, on peut écrire le code. Et puis on peut le partager sur Internet. Alors, holacratie et sociocratie, l'holacratie, la constitution de l'holacratie, il y a une constitution à adopter, à signer par les dirigeants si on veut être en holacratie. Cette constitution, elle est sur GitHub aujourd'hui, donc elle est en open source, on peut la télécharger et vous pouvez la modifier. Par contre, si vous la modifiez, ça ne sera plus de l'holacratie, ça sera de la Davidocratie ou de la momocratie, je sais pas. mais pour que ça, par contre, il y a une marque qui protège le truc. Pour faire de l'holacratie, il faut répondre à la constitution. Voilà, c'était un peu les précisions que je voulais apporter. Et voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter, Mo, et sinon peut-être qu'on peut passer à des questions. Oui, très très. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être pour les travailleurs algériens et sénégalais, d'accord ? Mon grand-père est mort pour la France, on le contrôle parfaitement. Pour le dire, c'est un micro, là. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Et à Nuit Debout, on en parle beaucoup de ça. Moi, je suis algérien aussi. Hein. Bah, justement, moi, je voulais parler de. Bah, toutes ces nouvelles formes d'organisation, et on le voit aussi à Nuit Debout, c'est qu'on apprend à s'écouter, à faire ensemble, à se regarder dans les yeux, et du coup, à travers tout ça, c'est un peu philosopher en quelque sorte, et puis surtout apprendre à s'aimer en fait en tant que groupe. Et ça, c'est hyper compliqué dans les sociétés dans lesquelles on vit, où il y a de la violence, il y a eu des guerres, il y a encore des guerres. Il y en aura encore, il y a des violences quotidiennes insupportables et qui ne nous permettent pas de nous rassembler comme aujourd'hui en cercle et de s'écouter, de se parler avec un cadre de sécurité implicite ou explicite. Bah, du coup, toutes ces nouvelles formes d'organisation, elles se reposent souvent sur des cadres de sécurité qu'on construit ensemble. Comment on se parle, comment on s'écoute, comment on fait rentrer une nouvelle personne dans un groupe, comment on en fait sortir un, comment éventuellement on gère des conflits en interne. Tout ça, c'est des éléments qu'on construit ensemble pour arriver à gérer le quotidien d'un groupe qui est un organisme humain et qui parfois est confronté à des crises. Et une crise est une opportunité de se questionner sur comment on améliore ce faire ensemble. Et du coup, ça résonne bien, en fait, avec ce qui... En tout cas, pour moi, en termes d'émotion, c'est ça. C'est toute cette violence qu'il faut aussi combattre. Et à travers ces nouvelles formes d'organisation, on va essayer de travailler sur la transformation individuelle aussi. Et à travers cette transformation individuelle, on va aller vers de la transformation sociale. Du moins, en tout cas, c'est mon objectif, hein, moi. Tant que personne. Juste pour de terminer là-dessus, il y a donc un monsieur qui s'appelle Frédéric Laloux qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organizations. Le titre est en anglais, mais le livre est traduit en français aujourd'hui. Il dit que les trois piliers des nouvelles formes d'organisation aujourd'hui, c'est l'autogouvernance, donc ce dont on a parlé, la raison d'être évolutive, dont on a déjà parlé, et une posture de plénitude qui est assez difficile à traduire, c'est wholeness en anglais. C'est ce dont parle Mo, c'est-à-dire comment dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une organisation je peux arriver avec toutes les dimensions de ma personne et être au service d'une cause et non pas juste les 10% acceptables du masque social que je suis autorisé à montrer et à développer au travail. Voilà. Et donc du coup, un des enjeux de ces nouvelles formes d'organisation, c'est aussi comment on crée des règles, des cadres qui permettent à chacun d'exprimer, de s'exprimer plus largement et plus entièrement dans ces organisations, donc avec des notions de compétences intellectuelles, mais aussi émotionnelles, affectives, et puis tout ce qu'on peut trouver dans la palette de l'être humain. Voilà. Alors, merci à vous deux. Maintenant, on va passer au débat. Donc, je rappelle, le thème, c'est la sociocratie. Donc, qui veut faire commencer le débat ? Pour ceux qui veulent faire le débat, vous me faites un signe de main, je vous note, et puis fais les tours de parole. Tu veux la... Non ? Bon, bah, Sylvain, commence, hein. Je vais me lancer, ça va me réchauffer. En fait, déjà, merci pour votre énoncé. Quand je vous entends, en fait, je commençais à voir le chemin et le long chemin qui nous reste à parcourir. Et à la fois, c'est plaisant, c'est rassurant et ça fait un peu flipper. Parce que du coup, on est quand même assez loin d'être dans ces formes-là actuellement, ou alors vraiment dans des petites... unités, quantités, enfin voilà, ça, à petite échelle, et c'est très parsemé, et alors certaines arrivent à se mettre en réseau, et c'est tant mieux, mais on le dit souvent ici, dans des grandes villes comme Paris ou d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Alors après, dans une à taille d'une société, d'une entreprise ou d'une association, il y a une notion effectivement qui est très importante, c'est un petit peu le pourquoi et l'espèce de raison d'être. Et là où c'est compliqué, c'est quand on veut travailler dans un groupe qui au départ a peut-être la même raison d'être, mais après il y a des espèces de chemins différents qui se prennent, et finalement il y en a d'autres personnes qui finalement ne sont pas forcément d'accord avec cette raison d'être. Et là, et vous l'avez très bien dit, et malheureusement je pense qu'il n'y a pas de méthode toute faite, mais c'est comment on fait pour continuer à travailler ensemble ou alors à se diviser et à prendre deux chemins différents. Je prendrai l'exemple, vous avez parlé du consensus. Moi j'ai eu une expérience dans un syndicat qui n'est pas une confédération et qui a essayé de faire à peu près, on a essayé de faire à peu près différentes choses dans les réunions pour que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Et on en est arrivé au consensus. Le problème du consensus, c'est que généralement, on se rend compte que la minorité qui n'est pas d'accord, en fait, se rallie à la majorité. Et entre guillemets, y a une espèce de frustration qui se crée. Parce que quand vous avez, vous êtes 10 et vous en avez 2 qui sont pas d'accord, c'est les 8 qui l'emportent. Et finalement, je suis pas sûr que ça soit très démocratique. Mais, et pour moi, ça fait joli sur le papier de dire que c'est consensus dans un compte-rendu de réunion après. Mais et c'est vrai que c'est moi je suis interrogatif là-dessus parce que justement ces deux personnes-là après peuvent ça peut créer de la frustration et du coup soit on peut les perdre soit du coup ça pourrit un peu le truc au milieu. J'avais aussi une autre question, c'est est-ce que vous avez des exemples concrets d'aujourd'hui de quelque chose qui a marché là-dessus dans une association ou une entreprise ? Enfin, depuis hier, on a parlé d'Ambiance Bois ici, on l'a projeté et c'était très très intéressant, qui est un je sais pas si c'est vraiment de la sociocratie, mais en tout cas voilà, qui est un concept très intéressant, mais qui est unique en France, en tout cas. Donc ça, c'était ma deuxième question, et puis après, je vais laisser la parole tourner en fait. Merci. Donc réponse directe. Je vais essayer de répondre à la première, enfin pas répondre mais réagir au premier élément autour du consensus. Et puis David, je te laisserai si tu as des exemples. Ouais, peut-être que je vais donner un exemple également. Justement sur le consensus et le consentement, l'idée c'est d'afficher clairement que on ne cherche pas à faire consensus. Au sens où dire qu'il faut faire consensus, c'est une pression en fait, c'est une pression affiché aux yeux du groupe par quelqu'un au-dessus ou quelque chose de faire consensus, où forcément il va y avoir le consensus, à mon sens en tout cas, n'existe pas. On ne peut pas être d'accord sur tout, tout le temps. Et parler de consensus, c'est mettre la pression sur ceux qui ne sont pas d'accord à juste lâcher prise et c'est tout. Alors que déclarer qu'on souhaite le consentement, c'est-à-dire que personne n'est en désaccord, c'est afficher que en amenant une proposition sur quelque chose, on va essayer de la travailler, cette proposition, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus d'objection, comme nous on se l'applique en interne, ou d'opposition radicale, comme on a entendu à Nuit Debout, comme vous avez pu voir dans le documentaire hier, c'est ça. Et en fait c'est la même chose, c'est qu'est-ce qui en moi est une opposition radicale, est une objection avec laquelle je ne peux pas vivre. En général ça va être des choses qui viennent toucher la sensibilité de chacun, qui viennent toucher des valeurs ancrées en nous, des choses très très fortes, et non pas du détail sur un mot dans une phrase, mais plutôt quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qu'on a envie de défendre collectivement. Et je sens que là, ce qu'on est en train de valider, si on le valide comme ça, bah, c'est dangereux pour moi et c'est dangereux éventuellement pour ce qui m'entoure. Et par ailleurs, sur des exemples, bah, en fait, il y a plein d'exemples. Je suis pas certain qu'il y ait des exemples aboutis. De fait, c'est pas quelque chose d'abouti, c'est quelque chose tout le temps en imperfection, en évolution. Et je suis pas certain qu'il y ait. Alors, il y a pas mal d'entreprises qui ont switché en holocratie avec la validation de la constitution. En réalité, on n'a pas forcément une vision claire, un bilan sur le résultat une fois qu'on switch. Qu'est-ce que ça donne en termes de vie au travail, en termes de vie en communauté, etc. Est-ce que c'est vraiment qualitatif ou pas? Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'organisations, comme vous avez pu voir hier en documentaire, qui expérimentent plein de choses comme ça, sans forcément parler de sociocratie, sans forcément parler d'holacratie. Nous avec David et Mehdi, on est dans une coopérative qui expérimente des choses dans cet ordre-là, sans s'afficher comme en holacratie ou en sociocratie. On est vraiment en train d'apprendre tout ça ensemble, et c'est compliqué avec une croissance d'effectifs, avec des réalités au quotidien de survie, même financière parfois, et puis avec des valeurs et une éducation qu'on a tous qui est diverse en fait, qui vient de partout, et c'est compliqué d'appliquer ça à grande échelle du coup. Yes. Merci beaucoup pour la question, parce que c'est un truc hyper essentiel. Donc consensus ou consentement, je préfère le consentement, donc comme j'ai dit, qui est le cran en dessous, c'est-à-dire personne n'est contre une décision. Ça pose la question du but. Est-ce que le but est le consensus ou le consentement? Si on se donne ça comme objectif régulièrement, on va vers de la friction, parce que on vient comme étant le consensus ou le consentement est un but, et tous ceux qui empêchent d'arriver à ça, freinent les gens. Donc effectivement, ça crée des frustrations, il y a des gens qui peuvent se sentir mal à l'aise dans ce cas de figure. C'est là où ce qui est intéressant, où on, sur ces formes d'organisation, on vient aussi questionner l'efficacité et le comment on y arrive, c'est le chemin et le résultat. Et donc il y a un souci d'efficacité, mais il y a un souci d'y arriver ensemble. Et de le faire ensemble. C'est pour ça que la gestion par consentement, on dit pour qualifier qu'est-ce que c'est qu'une objection. Une objection, c'est un cadeau. C'est bienvenu et merci d'apporter des objections, parce que c'est parce qu'on a des objections qu'on va pouvoir mettre en place de l'intelligence collective, et qu'on va pouvoir, à condition qu'on soit en coopération pour essayer de lever ensemble l'objection, mais parce que j'apporte une objection, j'ai détecté quelque chose qui ne va pas, et quelque chose parce que ça ne me va pas, soit vous m'amenez avec vous et vous essayez de m'enclure dans votre groupe, soit vous me laissez sur le bord du chemin. Mais là, du coup, effectivement, un groupe qui, à chaque fois qu'il y a un problème, est obligé de se séparer des personnes qui lui posent problème, enfin qui ne peuvent pas avancer avec la solution, on peut estimer qu'elle n'est pas viable dans le temps. J'aime beaucoup la métaphore des oies sauvages. C'est la période des migrations. Les oies sauvages, quand il y a une oie qui est malade, qui s'écarte du groupe, il y a toujours 2-3 oies qui viennent avec elle pour s'assurer qu'elle va pouvoir revenir dans le groupe, parce qu'ils savent que s'ils en perdent une, ils vont risquer d'en perdre 2, puis 3, puis 4, et ils sont pas sûrs d'arriver jusqu'en Afrique parce qu'ils ont un long voyage à faire. Voilà, donc donc les oies ont compris qu'il y a un but, migrer, aller dans un pays lointain, mais il y a aussi comment on y va, et ça on a besoin de règles communes où on n'oublie personne. Merci. Excuse-moi. Et sur les formes d'organisation, sur les exemples, la première qui me vient, il y a un nom qui est affiché sur les fiches là, qui est l'Université du Nou, qui est un organisme de formation aux nouvelles formes à la sociocratie et à l'holacratie, qui est vraiment dans une démarche d'éducation populaire et qui applique à elle-même les formes d'organisation. Donc eux fonctionnent, aujourd'hui ils appellent ça de la gouvernance écologique parce qu'ils ont fait évoluer, et c'est plus de la sociocratie, c'est plus de l'holacratie, c'est leur truc, mais même si c'est très lié. Et cette organisation a 6 ans aujourd'hui, 6 ou 5 ans, ils sont sur un mode de développement où ils ne peuvent plus répondre à toutes les demandes. Ils sont en train de vraiment passer à un niveau supérieur parce qu'ils ont besoin de s'adapter à un afflux de demandes. Donc ils ont une efficacité aussi sur le temps qui fait que leur modèle fonctionne, en tout cas aujourd'hui. Donc ça c'est pour le milieu associatif. Et puis après, comme disait Mo, ce qui est important de savoir, c'est que quel que soit le nom qu'on lui donne, en ce moment, c'est ce qu'a remarqué ce chercheur Frédéric Laloux, c'est que partout dans le monde, il y a des assos, des ONG, des partis, des entreprises qui se posent les mêmes questions, des dirigeants qui se posent les mêmes questions et qui arrivent à peu près aux mêmes réponses. Donc il y a vraiment, c'est quelque chose qui est dans l'air, et c'est une évolution de la conscience ou de la pensée qui est en train de s'opérer en ce moment même. Et ça, c'est plutôt positif. Merci. Donc vas-y Adèle, maintenant c'est à toi. Oh, ça va tout à fait faire écho à ce que vous venez de dire, parce que dans toute votre présentation, en fait, il y a énormément de choses qui m'ont fait penser à l'atelier qu'on a mis en place ici à l'éducation populaire, qui est quelle société veut-on. Et donc on définit justement dans une société qui serait un peu idéale, après on se pose la question de comment y arriver, on définit justement les points qu'on cherche. Et alors déjà, je suis tout à fait d'accord sur changer le terme de démocratie, finalement en prendre un autre, parce que démocratie, il y aura toujours des personnes qui vont dire non, la démocratie c'est ça, d'autres la démocratie c'est ça, et de prendre un nouveau terme, ça permet de le définir et de lui donner derrière une consistance, plutôt que de rester dans un besoin de redéfinition permanente et qui en fait reste flou. Alors il y avait sur l'aspect de créer des cercles par entité, nous on avait parlé de quitter la pensée ascendante pour une pensée circulaire. Et je me suis dit c'est marrant, parce qu'en plus on utilise les mêmes mots, et donc vous dites voilà, sortir d'un système pyramidal pour créer des cercles avec des entités différentes. Et la pensée circulaire, c'était vraiment ça. C'était d'abord soi, prendre soin de soi dans le cercle de son propre corps et de son propre psychisme. Ensuite, prendre soin des quelques personnes autour de soi et interagir avec eux. Et ensuite, un autre cercle, et un autre cercle, et un autre cercle. Et ce que vous avez rajouté qui est très intéressant, c'est cette prise de décision par double lien. Où, en fait, c'est pas juste le cercle qui s'agrandit de plus en plus, c'est... Il y a aussi des moments où on peut être entre deux cercles, en tout cas, et ça, je trouvais ça intéressant. Et ça, du coup, ça faisait écho à quand on a parlé du gouvernement, c'était hier, et on a proposé, du coup, plutôt que ce soit un gouvernement unique, qui en fait que les ministères, on garde que les ministères, et qui n'est pas une politique qui imposerait que tout ça aille dans le même sens avec un président. Et tous ces ministères-là, en fait, du coup, ce seraient des cercles. Enfin, je trouve que ça va très bien avec ce que vous avez dit. Ce seraient donc des cercles qui seraient obligés de composer les uns avec les autres pour pouvoir faire une politique dans un pays. Ils n'auraient pas le choix que de composer. Mais, du coup, il y aurait des points de convergence directs, il y aurait des points de divergence, et ils seraient obligés, du coup, d'être dans le débat perpétuel. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors, il y avait aussi sur l'aspect de l'holacratie, que les cercles se mettent en place parce qu'ils ont une utilité. Là, ce dont on avait parlé, c'était dans la gestion des biens communs, c'était que pour tout ce qui était travail ou autre, qu'en fait, qu'il y a deux possibilités de travail. Il y a ce dont on a besoin. Là, donc, on va créer un groupe de travail sur... par exemple, on a besoin de construire une école. C'est un exemple typique. Hein. On a besoin de construire une école. Qui est-ce qui veut participer? Qui est-ce qui peut mettre de l'argent dedans? Et qui est-ce qui peut mettre du temps? Qui est-ce qui a des compétences là-dedans? Qui est-ce qui... Voilà. Donc, ça, c'était la première possibilité de travail. Et la deuxième, c'est un projet qui... quelqu'un imagine quelque chose, en fait. Et d'autres personnes se disent, ah oui, ça pourrait être... C'est pas forcément en rapport avec des besoins. Et ce serait plus d'un côté artistique, culturel. Enfin, voilà, c'était l'autre possibilité. Donc on retrouvait ça aussi. Définir qui a le pouvoir et qui l'utilise. Alors là, pareil, sur le gouvernement, ce qu'on s'était dit, c'est que dans chaque ministère, en fait, il y aurait un vote pour un programme et qu'ensuite, il y aurait des citoyens tirés au sort pour l'appliquer. Et donc, il faudrait que ces citoyens, justement, voilà, à ce moment-là, c'est pas eux, comme dans le système présidentiel, qui auraient le pouvoir depuis le début, mais pendant ces 5 années-là, ils ont le pouvoir de mettre en place ce programme avec les moyens qui leur sont donnés et de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et donc là, il y a vraiment un effet, finalement, sur un effet de leurs actions sur les autres. Et j'ai presque fini. Oui, sur la raison d'être évolutive. Là, ce qu'on avait dit, c'était pour que ces ministères-là fonctionnent, il faudrait quand même qu'il y ait une instance qui vérifie en fait que toutes les lois qui soient votées, etc., soient en accord avec une sorte de principe, donc qui serait en fait la Constitution. Donc il y aurait une sorte de conseil constitutionnel citoyen qui vérifierait. Et que on s'était dit dans le préambule de cette Constitution, il faudrait mettre au lieu de la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, que le but de tous les ministères, c'est d'améliorer les conditions de vie et de préserver les biens communs. Que n'importe quelle action, quelle loi qui soit votée, faut qu'elle aille dans ce sens-là. Donc après, il pourrait y avoir dans chaque ministère des choses plus précises, justement, sur la raison d'être évolutive, mais... Donc voilà, c'était plein d'échos. Et donc c'est pour ça que ça rebondit tout à fait sur ce que vous venez de dire. En fait, beaucoup de personnes sont en train de penser ces choses-là, de façon... Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de sociocratie. Et là, tout ce que vous avez dit, je me suis dit, c'est quand même incroyable, mais on s'y retrouve, même, on utilise même les mêmes termes. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, qui voulait répondre? Il n'y avait pas vraiment de questions. Tu veux une réponse directe, Adèle, ou pas? Non. Ok, donc s'il n'y a pas de réponse directe, on va passer à l'autre. En fait, il n'y a pas vraiment de questions, mais c'est un constat. Et c'est intéressant, ces discussions. À titre personnel, je sais que c'est très compliqué de faire l'exercice de penser, de transposer les mécanismes de la sociocratie, de l'holacratie à des très larges échelles, c'est-à-dire un État. Et qu'à chaque fois que je me confronte à cet exercice de pensée, j'en reviens toujours à dire c'est quoi mon échelle à moi aujourd'hui? C'est mon quartier, c'est ma ville. Et déjà, comment ça pourrait se faire à ce niveau-là? Et après, j'ai pas d'autre solution que de dire peut-être que si on le pense à une échelle locale, après, comment on interconnecte les différentes échelles. En fait, ce modèle pourrait se faire à différentes échelles, mais c'est vrai que c'est dur de le penser à un niveau très très général. Et puis pour la raison d'être, je trouve que de le penser au niveau d'un État et tout ça, ça pose des questions même philosophiques hyper intéressantes. C'est quoi la raison d'être de la France, par exemple? C'est quoi la différence entre la raison d'être de la France et la raison d'être de la Belgique? Et la raison d'être de l'Europe et la raison d'être, on peut de l'Afrique, du Maroc, du Sahara, j'ai dit. Ok, merci. Donc maintenant, il y a Fred qui va parler et après c'est Mehdi. Je rappelle ceux qui veulent parler, faites-moi un signe de la main et je vous note. Oui, bonjour. Tu parlais tout à l'heure de la Frédéric Laloux là, dans son livre Reinventing Organization. Je n'étais pas là au début de votre intervention, mais il parlait dans le fait de prendre des décisions. Donc c'était pas le consentement, le consensus, d'après ce que j'ai compris, c'était encore une autre forme. Hein, c'était le fait de, dans une organisation, quand quelqu'un a envie de proposer quelque chose, finalement, ce qu'il doit faire, c'est en parler aux autres, recueillir les avis de ceux qui sont impactés par cette décision, et ensuite prendre en compte ses avis, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, l'avis des autres n'est pas, ne doit pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Par contre, chacun a le devoir de prendre l'avis des autres, en tout cas de le recueillir, de le connaître, et après de modifier ou pas sa décision. Et du coup, ça permet au sein d'une entreprise aux gens de sentir qu'ils peuvent faire quelque chose s'ils en ont envie. Et que, du coup, comme il y a ce jeu enfin, ce lien qui doit s'établir entre les gens de l'organisation, bah, finalement, on a intérêt à prendre en compte l'avis des autres, puisque quand quelqu'un d'autre viendra nous demander notre avis pour, sur un sujet, on aurait envie qu'il en tienne compte. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce système, qui est un petit peu différent du consentement, j'ai l'impression. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Vous voulez répondre ? Yes. Donc, effectivement, ce mode de prise de décision, donc, il l'appelle la sollicitation d'avis. Je l'ai pas. On expérimente quelque chose de semblable dans un groupe dans lequel on fait partie avec Mo. Par exemple, on applique la sollicitation d'avis aux dépenses. Aujourd'hui, c'est la décision qu'on a prise, c'est-à-dire que si on doit faire des dépenses pour le groupe, on doit demander l'avis des autres. Et puis voilà, c'est la règle minimale de demander l'avis des autres. Et puis après, on fait finalement ce qu'on sent, mais parce que c'est quelque chose qui impacte le reste du groupe. Et que les autres ont le droit de se sentir, de s'exprimer sur cette question-là. Pour moi, ça aborde un autre sujet qu'on rentre un peu plus dans la complexité de ce truc-là, mais qui parle aussi de la. C'est là où on rentre sur les histoires de chaînes de valeur d'organisation, c'est-à-dire c'est quoi l'ensemble des processus qui font que on a une raison d'être, c'est-à-dire un résultat à fournir, à proposer au monde. Quelles sont les différentes étapes qui permettent d'arriver à ça? Il y a des chaînes de valeur longues qui nécessitent des organisations complexes. C'est là où l'holacratie tire sa spécificité et va pouvoir, comme l'organisme humain est une organisation hyper complexe, hyper raffinée avec des organes, enfin un niveau de raffinement extrême, l'holacratie cherche quelque chose qui va vers ça. On a des chaînes de valeur courtes. Là, on n'a pas besoin, en gros, c'est quoi une chaîne de valeur courte? C'est quand tout le monde fait à peu près la même chose. Il y a cet exemple dans le livre de Frédéric Laloux qui est Burtzorg, qui est sont des infirmiers aux Pays-Bas, justement, encore les Pays-Bas, c'est étonnant. Où, en gros, c'est des soins d'aide à domicile. Donc, ils font tous le même boulot. Et ils ont mis en place quelque chose qui est la sollicitation d'avis. Il n'y a pas de système très compliqué. Ils utilisent la gestion par consentement. Point barre, et il y a des coachs par ville et par région, on va dire. Et sinon, ils utilisent à peu près ce mode de fonctionnement. En 5 ans, ils ont révolutionné le système de soins à domicile des Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils ont trusté le marché, un marché qui était dominé par quelque chose d'hyper efficacité, déshumanisé et hyper rationalisé. Voilà, donc j'ai pas plus d'exemples que ça, mais à titre personnel, je pense que c'est quelque chose qui est utile dans des organisations où on est sur des chaînes de valeur courtes, c'est-à-dire où tout le monde a à peu près la même activité. Quand on commence à avoir des degrés de spécialisation beaucoup plus avancés, on a besoin d'aller définir des périmètres d'autorité beaucoup plus clairs. Voilà, beaucoup plus clairs. Mais ça, c'est mon avis et j'ai pas de... Voilà. D'abord, un grand merci à vous d'être venu par ce grand froid. Et puis, ben, je suis content que ça ait un peu d'audience. Je me posais la question, en fait, du fonctionnement des rôles et de l'élection sans candidat. Donc, on voit bien que de temps en temps, il y a des problèmes à régler et que, ou en tout cas des fonctions ou des choses à réaliser. Et il faut à ce moment-là qu'il y ait une personne qui le fasse. Et donc, là, c'est un des systèmes un des moyens qui est mis en œuvre par la sociocratie pour ne plus passer par l'élection représentative d'une certaine manière, mais avec des candidats, et donc du coup ces candidats vont faire leur programme et il va falloir voter en comparaison de programme. Non, là apparemment il y a un système différent, donc il y a tout un process et j'aimerais bien que vous me parliez un peu de ce process. Voilà. À nouveau, ce process, il va se baser sur le proche en proche, c'est-à-dire le besoin immédiat que j'ai, moi, dans mon groupe, dans mon organisation avec laquelle je suis en lien quotidiennement ou régulièrement, où il y a une raison d'être, où il y a des affects, il y a des interactions humaines réelles. Et du coup, dans ce cadre-là, une fois qu'on a un besoin d'avoir un rôle, c'est-à-dire qu'on peut pas, il y a certaines tâches au quotidien qu'on ne peut pas faire collectivement à 5 et où on décide à chaque fois sur chaque détail ce qu'il faut faire, mais qu'on a besoin de quelqu'un qui va dynamiser ce besoin-là, ce rôle-là. Donc on crée un rôle d'abord, on va lui donner une raison d'être, ce rôle-là, on va lui donner des redevabilités, des tâches à faire, c'est-à-dire qu'on fait ça tous ensemble. On va identifier les qualités requises par rapport à ce rôle-là qu'on est en train de créer. Et derrière, on va lancer l'élection sans candidat avec les personnes présentes. Et du coup, ça se passe en plusieurs temps. Il y a d'abord un vote qui n'est pas anonyme. D'ailleurs, c'est a priori très critiqué. Mais ça fait partie justement du cadre de sécurité qu'on s'impose au départ. Donc c'est un vote qui n'est pas anonymisé et même plus, il est affiché et argumenté. C'est-à-dire que par rapport à des qualités, par rapport à des tâches, on va voter pour quelqu'un et argumenter. Donc c'est là où on vient toucher le sensible en nous, l'émotion d'un groupe, d'une interaction humaine. Et c'est là où on va créer l'affect à nouveau, ou du moins on va alimenter cet affect-là. Donc on va voter pour quelqu'un, on va avoir quelques personnes... désigné au moins une fois, et à chaque fois il y a un argumentaire par la personne qui vote. Derrière, il peut y avoir report de vote pour quelqu'un d'autre, parce que à l'écoute de ce qui a été dit par tel ou par tel nombre de personnes, je vais mettre mon vote plutôt sur quelqu'un d'autre parce que ça me paraît plus approprié. C'est vraiment l'idée d'écoute. Et derrière, on va se retrouver avec quelques personnes nommées, votées au moins une fois. Et à nouveau, suite à cette écoute-là, il ne s'agit pas de dire que celui qui a le plus de votes est élu, de fait, mais plutôt que suite à ces votes-là, suite à cette écoute du centre, on va faire un appel à proposition. Est-ce que quelqu'un, suite à tout ça, se sent à proposer, donc se sent à... ayant cette écoute, ayant ce devoir, ayant cette responsabilité de proposer quelqu'un. Et derrière, il va y avoir à nouveau, comme la gestion par consentement, il va y avoir un tour d'objection. C'est-à-dire que tout le monde peut vivre avec cette élection. Tout le monde peut vivre avec cette proposition de quelqu'un qui a été élu. Et à nouveau, ça va poser la question de c'est quoi ton objection, pourquoi, est-ce que c'est lié à juste que tu ne l'aimes pas ou est-ce que réellement tu identifies un danger quelque part? Et du coup, argumente-le et on va travailler cette objection. Et parfois, les objections sont fatales, c'est-à-dire qu'il faut repartir sur une autre proposition. C'est impossible de les lever. Donc ça, c'est l'élection de son candidat. Les redevabilités, ça va être les missions. Donc c'est les missions qu'on donne à ce rôle-là, qu'il doit énergétiser. Donc la personne qui est élue, elle doit énergétiser ce rôle et ses redevabilités. Et forcément, étant donné que le rôle appartient à un cercle, à une organisation, ce rôle est tout le temps redevable à cette organisation. Donc il est tout le temps en lien avec cette organisation à travers la sollicitation d'avis ou à travers une revue de projet régulière qu'on peut avoir. C'est une des différences principales entre justement la sociocratie et l'holacratie. En sociocratie, dans un cercle, quand on va identifier une tâche à faire ou un rôle à créer, effectivement, on va systématiquement passer par une élection sans candidat pour le faire, qui est donc Encore une fois, comme la gestion par consentement, l'élection sans candidat, on essaye de moins se focaliser sur le but à atteindre. Il y a un but à atteindre, mais c'est aussi comment on y va tous ensemble. Et c'est aussi une occasion de parler de ce qui est présent, les attentes de chacun par rapport à un poste et tout ça. Et puis aussi, des fois, de lever des tensions qui sont présentes dans un groupe. Dans un groupe humain, il y a toujours ce qu'on appelle aussi des architectures invisibles, c'est-à-dire des choses qui font partie de l'organisation mais qui ne sont pas marquées noir sur blanc. Des gens qui ont une relation sentimentale, des gens qui font du foot ensemble, des gens qui étaient potes avant mais qui peuvent plus se piffrer. Enfin voilà, vous savez, tous ces trucs qui sont présents dans les organisations et qui peuvent être plus ou moins liés au boulot aussi. Ça peut être aussi un espace qui permet de mettre à jour ces choses-là. Donc plus des relations... ces architectures invisibles. Et donc là, encore une fois, c'est plus l'idée de trouver une solution qui convient. C'est comment on y va tous ensemble et moins comment on essaie de trouver la meilleure personne, le président candidat, l'homme providentiel qui va sauver la planète parce que une fois qu'on aura voté pour lui, tout va aller mieux. Là, on essaie de s'affranchir de cette question-là. Ce qui est intéressant pour moi, à force de pratiquer les élections sans candidat, c'est qu'on se détache de cet objectif-là. Mais finalement, quand on voit les personnes qui sont désignées à un moment particulier, on se voit qu'il y a quand même, on se dit, est-ce qu'on aurait pu vraiment trouver une meilleure solution à ce moment-là? J'en suis pas sûr. Voilà, il y a comme si on arrêtait de penser à ça, ça permettait vraiment à la qualité d'émerger. Et peut-être très rapidement sur les rôles, qui est une spécificité de l'holacratie, qui est de dire on sépare un rôle d'une personne. On arrête de parler d'une fiche de poste pour une personne. On se dit on a besoin, notre organisation, notre cercle a besoin de tel rôle, tel rôle, tel rôle. Et un rôle, c'est d'abord et avant tout une raison d'être. C'est-à-dire que on a besoin... Pour arriver à notre raison d'être de cercle ou d'organisation, on a besoin de... Il y a quelque chose à accomplir. Et à partir du moment où on a identifié ça, on va créer un rôle. Et on peut créer, dans un groupe, je ne sais pas, de 10 personnes, on peut créer 50 rôles. Et après, on se les répartit. Et donc, une personne n'est pas un rôle. Et quand on s'adresse en holacratie dans des réunions, on ne s'appelle pas par son prénom. On essaye de on dit à quel rôle tu parles, à quel rôle tu as besoin. Parce que moi, en tant que David, je pourrais porter plusieurs rôles. Je vais répondre avec telle ou telle casquette, on va dire. Donc ça, c'est une notion aussi importante qui permet de se détacher aussi de moi-je, de mes objectifs, enfin de se détacher l'ego de l'opération, enfin de ce qu'il y a à faire et de s'affranchir un peu, d'essayer de faire redescendre un peu cette friction. J'avais un truc aussi à dire, mais j'ai oublié, donc c'est bon. Ok, merci. Maintenant, c'est à Pierre. Après, on va passer à une fille. Oui, je voudrais savoir quelle relation existe-t-il entre votre pensée, celle de Edgar Morin, d'une part, et deuxièmement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Prigogine et il y a Prigogine. Et troisièmement, je vous invite à lire le papier que je vais filer au modérateur. Merci. Rapidement, ça va être très rapide sur Edgar Morin, dont je suis pas fan, mais en tout cas j'aime beaucoup sa pensée. Edgar Morin apporte la complexité, là une réflexion sur qu'est-ce que c'est la complexité. Et clairement dans ce mouvement de pensée, qui essaye de faire face à la complexité, et l'holacratie ou la sociocratie sont des modes de décision qui ont identifié aussi la problématique de la complexité et essayent d'y faire face. Donc on va dire ça, c'est le lien. Après, est-ce que Edgar Morin a écrit sur ces formes de gouvernance, je ne saurais pas le dire. Et donc je peux lire publiquement ce qu'il y a marqué là. Il y a marqué: la pensée complexe est à la pensée ce que la Ferrari est à la mobilette. On peut le voir comme ça, et on n'a pas toujours besoin d'une Ferrari pour faire ce dont on a besoin. Bon, des fois on a besoin juste même des fois d'y aller à pied. Ça c'est ce que je pense. D'accord. C'était quoi ta deuxième partie déjà? Il y a Prigogine. Rapide, s'il te plaît. Prigogine est à l'origine de la pensée d'Edgar Morin et M. Edgar Morin a tendance à le laisser oublier. Qui c'est qui a dit on s'en fout? Alors, dis-moi, explique-moi pourquoi tu t'en fous. Est-ce qu'on pourrait parler aussi du rapport avec Einstein ou avec je ne sais qui? Enfin bon, voilà quoi, je vois pas vraiment. Justement pas! On se calme, s'il vous plaît. On respecte les tours de parole et on respecte la règle du pop. Merci. Réponse directe. Ça me fait penser que je pense que d'avoir un cadre de pensée, un cadre philosophique, c'est vraiment, ça fait partie de la réflexion. C'est ce qui nous permet d'avancer. En termes de penseur qui compte beaucoup pour moi en ce moment, que j'ai redécouvert il y a pas longtemps, qui s'appelle Ken Wilber, qui parle de l'approche intégrale et donc du coup comment réconcilier les différents aspects de la réalité et les différents aspects du monde dans un système de pensée unifié. Donc on est clairement dans quelque chose qui pour moi fait suite à la pensée complexe. Voilà, donc je partage du coup puisqu'on partage des bibliographies. Et juste en termes de, je pense que toutes ces nouvelles formes d'organisation sont liées à plein de travaux de sociologues, d'anthropologues, de psychologues. Ils sont ils ont des méthodes des méthodes de recherche très différentes, mais finalement on arrive à la même chose. C'est du Bourdieu, c'est actuellement du Frédéric Lordan qui parle de dynamique de groupe et d'affect, comment se construit un groupe et comment on fait avancer, on crée une dynamique d'un groupe. En fait, c'est à nouveau tous ces penseurs qui nous accompagnent, qui créent ces innovations, quoi, avec nous. Merci, maintenant ça mêle. En fait, c'est Mariam, mais c'était pour simplifier. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous traitez de la notion de réseau. Est-ce qu'on m'entend ? La notion de réseau, donc comment pouvoir recréer un réseau qui, dans le corps humain, est établi naturellement. Et finalement, on trouve ça très normal, mais c'est très complexe. Et ce qui est très intéressant de constater, par exemple, quand il s'agit du diabète, on a des systèmes d'autorégulation, mais pour tout finalement, pour l'insuline, pour la glycémie, enfin pour tout. Et ce qui est très important, à mon avis, c'est que lorsque ce système de réseau va être répandu à une échelle nationale ou vraiment globale, donc une très grosse échelle, il ne faut pas oublier qu'il risque d'y avoir des dégénérescences localisées et donc que finalement ces groupes qui s'autogèrent finalement dans une forme d'autosuffisance, eh ben, c'est possible qu'il y ait une sorte de mutation et d'une dégénérescence qui s'accompagne de ça. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est d'accompagner tous ces mécanismes locaux avec un système d'autorégulation qui soit dans le système lui-même. Donc comme une sorte de feedback continuel ou une sorte une échelle en fait qui soit stratifiée, donc une strate vraiment locale, quelque chose de plus communal, quelque chose d'encore plus intercommunal et encore plus régional et enfin un truc national. Et donc je trouve ça hyper intéressant. Après, j'avais une question par rapport à... Lorsqu'un individu, par exemple moi, je suis étudiante en architecture et il y a plein d'idées qui fourmillent dans ma tête pour des questions vraiment très diverses de partage, d'autosuffisance, et je voulais savoir en fait comment est-ce qu'on peut en tant qu'individu rationaliser et justement trouver le réseau qui nous est utile pour faire notre projet dans notre idée comme une sorte de page jaune des réseaux finalement et de se retrouver dans ces réseaux-là en fait, voilà. Merci. Donc, %100 d'accord avec l'analyse. Pour moi, ça rejoint la notion de niveau de pensée. La pensée systémique, la pensée en réseau, c'est quelque chose qui arrive au XXe siècle dans l'histoire de l'humanité avec différents penseurs. Edgar Morin en fait partie, on en a cité plusieurs. Et cette vision-là, effectivement, pouvoir penser. Je vais pas redire ce que tu as dit, mais j'aime beaucoup et ça parle de la résilience des systèmes et ça parle aussi de l'ombre de l'organisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on s'occupe bien de tout le monde, est-ce qu'on s'occupe bien de tout ce qui est en place, et comment une organisation peut être auto-apprenante, auto-organisée et auto-guérissante. Moi, c'est ce que j'entends, c'est se soigner elle-même quand il y a, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie en système complexe, et la Terre est un système homéostatique, et c'est un peu la quête, c'est un peu le Graal du cybernéticien, enfin quelqu'un qui cherche à mettre en place des systèmes complexes. Et sur comment trouver son réseau, moi j'ai pas de solution. Enfin, si, j'ai une solution, mais elle est très personnelle, c'est clarifier. La question que je pose, c'est quel est ton besoin et quelle est ta quête, qu'est-ce que t'as envie, quelle est ta raison d'être. Je pense que plus je clarifie cette question, plus j'attire à moi les personnes et les organisations et les situations qui font que je me rapproche. Enfin, les choses deviennent de plus en plus faciles. Mais je sais pas si c'est s'il y a un Google de ça aujourd'hui. Et une solution, il y a un hashtag qui s'appelle Networks of Networks, et c'est une organisation qui a pour but de rassembler toutes les organisations de la société civile et d'essayer de créer un réseau des réseaux, donc Networks of Networks. C'est peut-être une piste, je ne sais pas. La question qui m'était posée, c'est est-ce que on poursuit en question-réponse ou est-ce que il y a écrit atelier à 17h, sauf qu'on n'a préparé aucun atelier. Et du coup, l'idée, c'est de vous poser la question à vous. Est-ce que vous avez envie d'expérimenter quelque chose que potentiellement nous on pourrait, c'est pas certain, mais qu'on pourrait accompagner ou pas, ou alors on reste en question-réponse, intervention et partage. Comme on fait là maintenant. Et moi, j'ai pas de préférence. Est-ce qu'on peut faire un tour ? Il y a d'autres personnes avant toi, je te refais passer. Il y a Lille. Vas-y, c'est à toi maintenant. Je suis arrivé, ça fait pas longtemps que je suis là. Hein. J'ai entendu raison d'être. Si on a une raison d'être, on peut faire partie d'un réseau. Et ceux qui n'ont plus de raison d'être, bordel, parce qu'il faudrait s'intéresser aussi à eux, quoi. Et quoi d'autre ? Vous parliez de cercle. Mais moi, ça me fait penser à un cercle, c'est fermé. Donc forcément, c'est pas très ouvert, quoi. Bon, c'est sur les mots, hein. Après, voilà, j'ai pas tout suivi. Hein. Sinon, moi, je voulais partager quelque chose. Moi, c'est grâce à l'art que j'ai pu m'en sortir, en fait. L'art-thérapie. Et il y a plein de sortes d'art-thérapie, et je pense que c'est... Enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'a ouvert aussi aux autres, à mes... c'est ce qui m'a humanisé, et voilà, je me suis rendu... Enfin, ça a l'air con, hein, mais... Du coup, ouais, j'avais une raison d'être, quoi, à nouveau. Et voilà, c'est tout. Merci. Alors, vous voulez répondre ou pas les... Non, oui, peut-être. c'était pas vraiment une question, mais ouais, ça soulève des questions auxquelles j'aurais pas la prétention d'avoir des réponses toutes faites à apporter là maintenant. Alors, je répète, ceux qui veulent parler, vous me faites un signe de la main et je vous inscris. Mehdi ? T'avais demandé un tour de parole tout à l'heure. Donc vas-y. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de cadre de sécurité. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ? Parce que ça peut de temps en temps poser des problèmes quand on parle à Nuit Debout de groupes affinitaires ou de personnes qui décideraient pour d'autres, etc. Et donc, alors, je vois pas... Enfin, voilà. Donc définir un peu ce que vous dites par cadre de sécurité, dans quel contexte et à quel moment finalement on ouvre l'information au plus grand nombre. Qui veut commencer ? Merci pour la question. Ce que j'entendais et ce qu'on expérimente actuellement autour de la notion de cadre de sécurité, c'est autour de la notion de cadre de sécurité, ce n'est pas justement qui décide et quel groupe a le pouvoir, mais plutôt une fois qu'on identifie un groupe, un cercle, comme on disait tout à l'heure, un cercle qui est à la fois fermé et ouvert à travers les liens qu'il peut avoir avec l'extérieur. Ouais, exactement. Et du coup, dans ce cercle-là, on va définir une sorte d'idéal de qu'est-ce qu'on a envie de voir dans à l'intérieur de cette organisation qui est un cercle. Qu'est-ce qu'on a envie de voir comme interaction humaine, comme rapport interactionnel de bienveillance, de là-dedans on va introduire toutes les notions de communication non violente qu'on peut avoir aussi à Nuit Debout à travers les signes qu'on connaît et à travers d'autres choses, à travers l'écoute, à travers la souveraineté qui est la souveraineté de chacun en fait. Il y a la souveraineté d'un groupe d'individus ou d'un État, où il y a également la souveraineté de chacun qui correspond au fait que chacun est responsable de ce qu'il va dire, de ce qu'il ne va pas dire. Chacun a ses limites, chacun prend en compte les limites des autres, et c'est une forme de souveraineté individuelle et de pouvoir donc individuel qu'on a tous, qu'on s'en rende compte qu'on l'a ou qu'on ne se rende pas compte, à travers à travers du coup quand on fait le fait d'entrer dans ce cercle ou d'en sortir, d'exclure quelqu'un éventuellement, de gérer des conflits, quels sont les processus qui permettent de faire entrer quelqu'un, c'est-à-dire l'intégrer. Comment on intègre quelqu'un? Potentiellement, il doit valider ce cadre de sécurité. Peut-être qu'il faut l'accompagner pendant un certain temps. Ça dépend de chaque organisation et de son besoin et de sa construction. Comment on intègre une nouvelle personne? Comment quelqu'un sort de cette organisation? C'est-à-dire quel message il va délivrer en sortant, quel est son besoin qu'il exprime en sortant, et non pas qu'il part du jour au lendemain. Donc on est bien sur des organisations qui ont des liens forts, c'est pas des liens qui peuvent se dissoudre du jour au lendemain, et du coup avoir un processus de sortie, c'est également laisser son empreinte, sa trace, son histoire et le pourquoi de sa sortie dans le cercle pour ne pas créer des nouvelles violences en fait. En sortant d'un groupe, on peut créer une violence. Quelqu'un nous a laissé, il est parti sans nous expliquer pourquoi il est parti. Ça crée une violence potentiellement. Du coup, c'est un peu dans l'idée de guérir et, ou du moins de prévenir une violence. Et puis par ailleurs, au sein d'un groupe, il peut y avoir une personne ou un groupe d'individus qui peut mettre en péril la raison d'être dont on parlait depuis tout à l'heure, et pour une raison X ou Y qui la met en péril, et du coup il pourrait y avoir un processus d'exclusion, mais toutefois ce processus il doit être bien connu à l'avance, bien normé, et justement qui essaie de d'abord guérir avant d'exclure, et l'exclusion est censée être une fin regrettable et non souhaitable, au sens où le processus d'exclusion est censé arriver à une solution justement de guérison et non pas d'exclusion. Mais il y a cette possibilité. Et enfin, j'ai oublié un truc. Et oui, les prises de décision, le fait d'inscrire, tout à l'heure on parlait de constitution holacratique. La constitution holacratique est un cadre de sécurité d'une organisation avec plusieurs cercles. Et du coup, là-dedans, dans la constitution, dans le cadre de sécurité d'un cercle, on va inscrire noir sur blanc potentiellement la raison d'être et potentiellement comment on prend les décisions. En gestion par consentement, en une élection sans candidat et potentiellement en sollicitation d'avis si on a envie de le tester sur tout. Ou sur un périmètre donné d'action. Voilà le cadre de sécurité. Alors, En fait, cadre de sécurité, c'est un mot comme ça qu'on sort. C'est un jargon en fait qui vient de l'université du Nou, qui est leur proposition avec un contenu propre à, enfin, qui est proposé. L'idée, c'est que on définit une forme d'organisation. On se dit, on a une organisation, on a besoin de règles communes. Donc, c'est quoi les règles du jeu? On pourrait les appeler aussi règles du jeu. Alors, dans les organisations classiques, on a des règles du jeu qui sont le règlement intérieur, mais en général qui sont plutôt des successions d'interdits. En fait, il est interdit 2, il est interdit 2, il y a rarement marqué il est autorisé 2. Alors après, on le comprend comme on veut. Je crois qu'en France, ce qui n'est pas interdit est autorisé, et en Allemagne, c'est le contraire. Et, enfin bon, bref. Du coup... Je disais tout à l'heure, les trois piliers, selon Frédéric Laloux, des nouvelles formes d'organisation, c'est autogouvernance, raison d'être évolutive et plénitude. Alors, autogouvernance et raison d'être évolutive, on peut marquer noir sur blanc assez facilement. C'est quoi les règles qui vont mettre en place des cercles, mettre en place des doubles liens, la gestion par consentement, et sous ça, le marquer en fait noir sur blanc pour qu'on ait un truc commun auquel on puisse tous se référer. Et puis il y a cette dimension aussi plénitude. Comment on fait pour être ensemble, bien, en sécurité, que je puisse exprimer mon avis sans me sentir attaqué ou, enfin voilà, comment je peux aller aussi dans une gestion de conflit qui soit saine. L'idée, c'est pas d'annihiler toute forme de conflit. On dit que le conflit est même créatif. C'est à travers la friction des points de vue différents qu'on va pouvoir essayer de faire évoluer quelque chose. Mais comment on peut rentrer en conflit de manière saine et non destructive? Et donc là, ça passe par des comportements, des savoir-être. Et donc, on va ajouter en plus dans un document de référence des comportements qu'on estime vertueux et des comportements qu'on estime néfastes, qu'on n'a pas envie de voir dans notre organisation. Il y a par exemple, moi j'aime bien cet exemple, c'est il y a un hôpital psychiatrique en Allemagne qui fonctionne en autogouvernement avec des principes similaires. Et dans leur document de référence, il y a marqué que soupirer en levant les yeux dans le cadre d'une conversation est quelque chose d'inacceptable. Voilà, c'est marqué noir sur blanc sur leur papier. Ça veut dire que si on est dans une relation de travail dans cet établissement là et que vous me dites quelque chose et que je vous réponds voilà, et ben on peut dire oh là, mais ça c'est pas, on n'a pas le droit de faire ça dans notre organisation. Tu dépasses une limite qu'on s'est fixée. Voilà, donc ça c'est, et un cadre de sécurité, ben, c'est toutes ces règles qu'on peut se mettre ensemble, qu'on va définir ensemble et par consentement justement. Il faut que tout le monde soit d'accord sur quel est l'ensemble des règles qui font qu'on va vivre harmonieusement, donc les règles du jeu, mais aussi les comportements qui sont et les savoir-être qu'on a envie de valoriser. Alors, là, j'ai noté les gens qui voulaient prendre les tours de parole. Si vous voulez prendre les tours de parole, c'est maintenant. Après, on arrête. Après, on passe à l'atelier. Donc, entre deux, j'ai une réponse directe. Vas-y, fais ta réponse directe. Faudrait pas mettre trop de règles, parce que si pour pacifier les situations, il faut supprimer toute expression émotive sur le visage des gens, ça va devenir pire que le socialisme totalitaire. Okay. Alors maintenant, il y a Fred qui a demandé la parole. Oui, c'est par rapport à. Je me demandais par rapport à Nuit Debout, comment on peut enrichir Nuit Debout de sociocratie ou de lacratie. Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a une question sur la raison d'être. Donc, quelle serait la raison d'être de Nuit Debout? Ça serait un début de. Un bon début. Donc, est-ce qu'il y a. Avec cette spécificité qu'il y a ici en ce moment, c'est-à-dire avec des gens qui est légitime pour participer à cette définition de raison d'être, comment on fait, comment on pourrait faire pour essayer d'expérimenter ce genre de technique de sociocratie avec la spécificité de Nuit Debout, qui est quelque chose d'ouvert, avec pour l'instant une structure qui n'est pas encore vraiment définie, donc... Quelle vision vous avez de ça? Par exemple, si on devait travailler en atelier ici, on travaillerait la raison d'être de Nuit Debout en mode sociocratique. Donc, comment on pourrait faire concrètement? Donc, allez, qui veut commencer entre les deux? Merci beaucoup pour cette question, parce que je pense que ça donne aussi des petites truc technique pour amorcer ce genre de réflexion qui n'est pas forcément un exercice évident, qu'on se dit bon ok, faut qu'on trouve une raison d'être, par quoi on commence. Il y a quelque chose qui me vient de la sociocratie 3.0 qui m'a permis de clarifier ce truc. C'est justement de penser en termes de chaîne de valeur et en termes de résultats attendus. J'aime bien penser la raison d'être comme étant une phrase qui dit « Une fois qu'on a tous fait notre travail, une fois qu'on a... Comment est le monde aujourd'hui ?» Donc c'est une phrase qu'on met au présent pour essayer de la mettre en mode un peu énergétique, enfin pour donner l'ancrer en fait avec quelque chose de fort, et qui en même temps est un et qui se dit ben voilà, aujourd'hui la situation, qu'est-ce que j'apporte au monde, comment est le monde une fois que cette organisation existe, et qu'est-ce qu'elle apporte. Ça répond aussi à la question qu'est-ce qui se passerait si cette organisation n'existerait pas. Ça peut être la phrase en négatif. Mais on va essayer de mettre quelque chose de plutôt de positif. Moi, j'aime bien la mettre au présent et comme un résultat en disant bah, ça y est, on a réussi le boulot. Dans quel monde on se réveille aujourd'hui une fois qu'on a fait le boulot? Ça, c'est un peu la démarche comme j'aime bien amorcer ce travail sur la raison d'être. Et après, sur un groupe, en mode d'intelligence collective, y a plusieurs process. Sur la question de qui est légitime, tout ça, moi j'aime bien la réponse d'une règle du forum ouvert qui dit toutes les personnes sont les bonnes personnes, les personnes présentes sont les bonnes personnes, les personnes qui ont envie sont les bonnes personnes, les personnes qui s'ennuient et qui ont envie d'aller faire autre chose, c'est bienvenu, et puis c'est pas grave, et puis on peut commencer, puis après s'ennuyer et partir. Voilà, et puis en termes de processus, comment y arriver, peut-être que ça serait des petits groupes qui travailleraient sur cette question et qui mettraient ensuite quelque chose en commun. J'aime bien, il y a la méthode des six chapeaux aussi, en méthode collective, mais je sais pas si elle est vraiment efficace pour ce genre de processus. Peut-être que je ferais ça, de faire des petits groupes qui réfléchissent à cette question-là, à essayer de produire une raison d'être, et puis après des rapporteurs, enfin, et après se mettre en commun le travail et voir s'il y a quelque chose qui émerge, et de le faire, de définir quelque chose qui émergerait. Mo, je sais pas si tu veux répondre. Du coup, ce que tu décris, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à des ateliers constituants qu'on pourrait faire, non pas sur une constitution, comme on avait commencé à faire à Nuit Debout les premiers temps, les premières semaines, mais plutôt juste dire qu'est-ce que Nuit Debout, à quoi ça sert, est-ce qu'on a envie d'en faire un mouvement, ou est-ce qu'on a envie d'en faire un lieu d'apprentissage, d'éducation populaire, comme en réalité c'est le cas aujourd'hui et depuis le départ. Il n'y a pas de mouvement à partir du moment où il n'y a pas de raison d'être. Et c'est peut-être ça la première question qu'on doit se poser, c'est à quoi on aspire, à quoi, qu'est-ce qu'on a envie de modifier dans cette société et dans le monde. Et du coup, oui, il pourrait y avoir des ateliers constituants pour essayer de trouver la raison d'être de Nuit Debout, ou alors, au lieu de chercher à poser une raison d'être de Nuit Debout, peut-être que c'est trop complexe, essayer peut-être de chercher des raisons d'être d'une commission, d'un groupe de travail, de quelque chose de plus petit où il y a des personnes qu'on retrouve peut-être régulièrement. Il y a justement cette notion d'affect, des interactions humaines, et du coup, sur la commission en démocratie par exemple, on pourrait dire cherchons une raison d'être qui est liée à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur à cette commission? C'est Nuit Debout, c'est quoi Nuit Debout? On n'est pas certain de comprendre ce que c'est Nuit Debout, mais peut-être qu'on peut poser quand même une action claire au présent de qu'est-ce qu'on a envie de, en tant que commission, qu'est-ce qu'on a envie de voir autour de nous, à quoi on sert. Et peut-être commencer avec une commission, essayer de travailler avec des rôles, essayer de travailler en agilité et voir si ça marche, la répliquer ailleurs et puis l'améliorer, et puis à un moment donné voir si Nuit Debout on n'en ferait pas une raison d'être, et dans ce cas-là ça deviendrait peut-être mouvement. En complément sur la posture, comme dit Mo, il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas de raison d'être, et en gros s'il y a un mouvement c'est qu'il y a une raison d'être. On l'a peut-être pas identifié, et on peut partir du principe que le rôle des membres d'une organisation est d'être à l'écoute et d'essayer d'enquêter pour voir si cette raison d'être existe. Et comme on l'a dit, cette raison d'être, elle est évolutive aussi. Elle n'est pas figée dans le temps. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et donc, un rôle faisant partie d'une organisation, c'est aussi est à l'écoute de l'organisation régulièrement pour voir est-ce que c'est toujours la bonne raison d'être, est-ce qu'elle n'a pas déjà évolué. Et ça, on s'en rend compte en faisant et plutôt dans des situations, on va dire, de conflit, c'est-à-dire il faudrait faire ça, mais non, c'est pas, on n'a pas à faire ci. Bah pourquoi? Bah parce que notre raison d'être c'est ça. Oui, mais est-ce que finalement notre raison d'être elle a pas un peu évolué et on devrait aller plutôt aussi là-bas? Voilà. Et puis bah j'aime bien, effectivement, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche, c'est ce qu'on essaye de faire, la raison d'être globale. C'est pas forcément un exercice évident, mais il peut être intéressant. Et puis après, il y a aussi la raison d'être d'une commission, d'un groupe de travail, c'est peut-être plus facile à ancrer. Après, je sais pas, justement, ce qui est peut-être la question à se poser, c'est quoi le point commun entre toutes les personnes qui sont là, entre toutes les personnes qui ont envie de faire ce travail-là. Et à partir de ce moment-là, c'est trouver la raison d'être déjà de ce groupe-là. Ça peut être un exercice à part entière, vraiment sur quelque chose, sur un mode exercice. Ce qui est dur sur ces trucs là c'est d'être ancré dans une réalité, parce qu'on est sur des concepts. Si le concept il est flou, il est vague et qu'on se sent pas lié vraiment à ce concept là on peut discuter de ce truc pendant des heures et faire voilà. Merci. Alors maintenant on passe à Edouard. Oui, vous parlez beaucoup de modus operandi, de mode de gouvernance, d'organisation, de manière de se comporter, d'interagir au sein d'un groupe. Il me semblait que quand même au départ, Nuit Debout avait un objectif qui était de combattre une loi et au-delà de cette loi, le monde qui va avec. Donc, j'ai l'impression qu'en se mettant en périphérique de l'objectif, qui à mon sens est plus largement le monde qui va avec la loi que la loi en elle-même, vu que bon, une loi ça peut se défaire, un monde c'est un peu plus compliqué, est-ce qu'il ne faudrait pas une bonne fois pour toutes que Nuit Debout se fixe un objectif et réduire un petit peu les discussions périphériques, même si elles sont incontournables en termes de modus operandi, mais malgré tout, s'il n'y a pas un objectif clairement fixé, tout ce que l'on peut discuter là aujourd'hui, en ce moment, finalement, peuvent être accaparés par n'importe quel objectif, hein, c'est-à-dire, du new management, toutes sortes d'objectifs divers et variés qui ne correspondent peut-être pas non plus à ce que l'on cherche nous tous ici. Et moi je crains que, mis à part devenir des pointures en termes de relationnel au sein d'un groupe, on n'ouvre pas le chemin de l'objectif à atteindre. Je trouve que ça manque un petit peu. Voilà. Objectif. Merci. C'est plus le bout. Vous voulez répondre ou pas? Vas-y. Oui, merci de rappeler que effectivement, du coup, il y a le mouvement, est-ce qu'on se positionne comme une organisation? Est-ce que Nuit Debout est une organisation? Voilà. À mon sens, c'en est une, avec des règles de fonctionnement qui lui sont propres. La question de la raison d'être, moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement il y avait une raison d'être de départ, avec mes mots, hein, si je le reformule sur mon prisme et ma grille de lecture, c'est pour ça que je suis là. Il y avait une raison d'être de départ qui était contester la loi travail, et puis cette raison d'être elle a peut-être évolué vers quelque chose de plus général et de plus de fédérer, on va dire, un mouvement citoyen. Et là-dessus, n'ayant pas beaucoup participé à ce mouvement, je ne me sens pas en capacité d'apporter des choses là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qui est. C'est juste ça que je voulais répondre. Voilà. Juste pour rappeler, au départ, on parlait de sociocratie et des nouvelles formes d'organisation. David et moi, on n'est pas là pour porter le message Nuit Debout, hein, c'est clair. Et toutefois, bah, du coup, ce qui me vient à l'esprit, c'est à nouveau, ça va être un peu bateau, mais ça va être un peu, j'ai peur de choquer, mais ça va être à nouveau la notion du colibri, c'est qu'est-ce que moi, en me transformant, je peux amorcer comme transformation autour de moi. Et c'est ça que j'ai appris, enfin que j'apprends depuis quelques temps et que j'ai beaucoup appris avec Nuit Debout en venant souvent sur la place, en discutant, en étant en commission, c'est que à tout moment je dois rester sceptique, mais également à l'écoute et également à me poser des questions, à être dans l'ouverture. Et du coup, ça me pose des questions de transformation individuelle à chaque fois, de ma posture, de ma prise de parole, de est-ce que je suis là utile à dire ça ou est-ce que c'est juste mon ego qui est en train de parler. Il y a tout ça qui est en jeu, en fait. Et quand on parle de pouvoir, quand on parle de jeu de pouvoir, c'est pas uniquement, à mon sens, en tout cas, c'est pas uniquement nous et les autres. Il y a déjà nous entre nous. Et pour faire multitude, pour faire force, nous, entre nous, on doit peut-être mieux se comprendre, mieux se parler. En tout cas, c'est ce que je ressentais souvent en commission, lors de différents débats, où j'arrivais même pas à amener tout ça, parce que c'était trop compliqué pour moi. Et ça fait en fait des mois, j'en parlais avec Mehdi tout à l'heure, ça fait des mois que je me suis dit, ce serait cool d'arriver à Educ Pop et de parler de tout ça. Et en fait, c'est venu à moi, en fait. C'est Mehdi qui est venu à dire, ah tiens, ce serait cool. J'ai dit, ok, bah parfait. C'est génial. Même si on est moins nombreux aujourd'hui, peut-être que c'est mieux aussi d'être moins nombreux. Ça apporte plus de qualitatif, plus d'écoute, plus de prise de parole. Voilà, c'est le chemin et le résultat. Il ne faut peut-être pas opposer les deux. C'est le chemin et le résultat pour moi. En fait, ça m'est revenu ce que je voulais dire tout à l'heure. Et effectivement, à titre personnel, je pense que dans tout groupe, organisation, mouvement, il y a des démarches, il y a une dimension de but à atteindre d'objectifs et de comment on y arrive. Et il y a aussi un aspect qui, pour moi, indissociable, qui est l'aspect culturel. C'est-à-dire parce qu'on est ensemble, parce qu'on fait des choses ensemble, on crée une culture. Et là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on échange sur des idées, des concepts. On participe à créer une culture commune. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, à titre personnel, c'est quelque chose d'hyper important. Je disais tout à l'heure que je m'étais pas beaucoup impliqué dans Nuit Debout. Je m'étais impliqué au préalable dans un autre mouvement qui était le mouvement des indignés. Et moi, ce que j'avais retenu de ce mouvement, après, quand on avait un peu cessé les activités, tout le monde nous disait, alors ce mouvement, qu'est-ce qui s'est devenu, à quoi ça sert, est-ce que ça s'est servi à quelque chose? Et moi, la réponse que je fais généralement, c'est oui, ça a servi à ce que maintenant je connais d'autres gens, des gens que j'aurais jamais connus avant. Et on a partagé une culture commune, on a fait des assemblées ensemble, on a pris des décisions ensemble de manière compliquée et en même temps on l'a fait. Et ça, pour moi, c'est un acquis culturel et c'est quelque chose qu'on peut pas nous voler, c'est quelque chose qu'on peut pas nous enlever comme ça, quelle que soit la situation. Et voilà, j'avais envie de dire ça, j'ai dit. Merci, donc maintenant il y a Khaled. Donc moi, pour commencer, je vais commencer par la sémantique, la signification. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on renomme. Il y a des gens qui ont parlé que c'était bien de renommer, de changer de mot. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on est dans une guerre orwellienne, dans une guerre de la novlangue. Je pense que c'est important de pas leur laisser les mots parce qu'on a des ennemis, hein. Et comme la démocratie, pour moi, c'est un mot qu'on doit conserver, qu'on doit se réapproprier, comme plein d'autres mots d'ailleurs, comme la souveraineté, comme voilà, des mots que certains s'accaparent et qu'il faudrait pas, quoi. C'est une guerre des mots, hein, quand même, c'est super important. Donc voilà, quoi, pour ce qui est de la sémantique, comme il y a des mots par exemple comme la gouvernance, moi que j'aime pas du tout, parce que c'est des mots qui nous viennent du monde anglo-saxon et c'est vraiment une colonisation aussi, là c'est pareil, on est aussi dans la guerre des mots, je pense, enfin voilà, hein, c'est personnel, hein, je vous donne ça à débattre. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de Nuit Debout, donc moi je faisais une grosse... pour ce qui est de l'objectif, hein, ou de la raison d'être, hein, vous appelez ça comme vous voulez, c'est des questions qu'on se pose depuis le début. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui bougent, qui s'en vont, qui reviennent, etc. C'est une grosse question, et c'est déjà aussi qu'il y a des... On n'est pas dans quelque chose d'homogène à Nuit Debout, il y a des gens qui font partie, ça a été créé par des partis politiques, des syndicats, des gens qui ont quand même des visées politiques bien précises, et d'autres qu'on n'a pas, et d'autres qui sont contre ces gens-là. Donc déjà, il y a des conflits qui sont là, et que je pense que, je sais pas, je suis un peu arrivé en retard malheureusement dans votre exposé, c'est bien dommage, mais j'ai un peu regardé sur internet, bon j'écouterai, hein, je sais qu'il y a un enregistrement, donc je reviendrai. Donc voilà. Excusez-moi, vous me dérangez là. Ouais, parce que là, vous me faites perdre mon fil de la discussion. Donc, ouais, voilà. Je voulais revenir sur Nuit Debout. Donc, la raison d'être, tout ça, l'objectif, on se pose depuis le début. Et c'est une grosse question. Et voilà. Et là, les grosses difficultés, c'est ça. C'est le côté que Nuit Debout, il n'y a rien d'homogène dans les gens qui sont là. Il y a des gens qui ont des objectifs bien particuliers qui sont pas complètement compatibles. Bon, moi, j'avais quand même quelques idées à démocratie, justement. Parce que c'est vrai que là on a parlé, ouais, on s'oppose à quelque chose, mais bon après il faut s'affirmer quoi. Quand on s'oppose à la loi M. Khomri et son monde, après il faut proposer quelque chose. Bon, moi j'avais proposé la démocratie, l'anticapitalisme, voilà, comment le mettre en place, etc., comment mobiliser. Donc voilà, pour moi c'était mon idée. Bon, après il y a d'autres gens qui ont d'autres idées. Donc après, pour revenir à la question de la sociocratie et de l'ocratie adaptée à Nuit Debout, donc moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui moi j'ai réfléchi sur la question de la démocratie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses où on se rejoint, quoi. Moi, pareil, j'ai pensé à la dimension du jeu aussi pour enlever les problèmes de pouvoir, etc. Enfin, bon, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de... Je suis pas complètement paumé, même si je suis arrivé un peu en retard. Donc, juste pour faire une grosse remarque aussi sur la transposition. Bon, a priori aussi, c'est sur les entreprises, après ce que j'ai lu, hein, au départ. C'est sur des petites entités, donc parce que nous on essaie aussi de réfléchir à la démocratie au niveau de la France, etc. Hein. Ou même au niveau de Nuit Debout, c'est assez gros, hein, comme entité, il y a des villes, etc. Et Nuit Debout, il y a encore quelque chose qui est super dur et que je fais remarquer souvent, c'est qu'il n'y a pas de frontières, c'est des places, il n'y a pas de population, c'est super important ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je me souviens quand j'ai fait l'expérience une fois, on demandait à des gens dans une assemblée, quand il y avait encore beaucoup de monde, qui était là hier. Il y avait 80% des gens qui n'étaient pas là hier. Donc ça tourne tout le temps. C'est des gens différents. Donc ouais, c'est un gros problème pour transposer ça, même à un modèle démocratique classique, donc ou sociocratie ou holocratie. Voilà quoi. Bon, voilà, c'est quelques réflexions que je voulais apporter à votre exposé et au débat là. Merci Khaled. Vous voulez répondre ou pas? Vas-y. Oui, merci. Oui, sur les mots, effectivement, les mots sont importants et les défendre et se les approprier, c'est important, effectivement. Sur gouvernance, effectivement, je l'ai dit en introduction, c'est un mot qui pose débat. Mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé de mieux pour parler de comment on prend des décisions et comment on les fait appliquer ensemble. Donc c'est ça le sujet, ce que j'avais dit en intro. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que j'apportais, on va dire, sur ce format-là. À titre personnel, sur les mots, il y a aussi pour, contre. Dans les modes de prise de décision, justement, comme la gestion par consentement, on va essayer de prendre des décisions ensemble, c'est-à-dire en prenant en compte chacun dans la décision. Ce dont je me suis assez rapidement rendu compte, c'est que je suis obligé de sortir de cette position de pour ou contre. Je suis pas, quand je fais une objection, je suis pas contre la proposition. C'est juste que je signale, je ne peux pas faire avec. Il y a une vraie différence là-dessus. Qui est quelque chose qui est difficile à expliquer avec des mots, c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'expérientiel et quelque chose à transmettre plus par une expérience. Moi, je me retrouve assez beaucoup dans la philosophie de Gandhi, par exemple. Gandhi, à mon sens, ne s'est jamais battu contre les Anglais. Il s'est battu sans les Anglais. Il était dans une lutte non violente. Il ne pouvait pas se battre contre les Anglais parce que les Anglais étaient plus forts au départ. Mais il s'est battu sans eux, c'est-à-dire faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc, ils ne veulent pas qu'on fabrique notre tissu. Et on va faire comme s'ils n'étaient pas là, on va le faire. On va tisser notre tissu, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Donc ça, à titre personnel, je pense que c'est aussi quelque chose qui, dans... la façon dont on prend des décisions ensemble, si on arrive à se positionner avec nos collègues, camarades, quoi qu'on en dise, non plus en position de « je suis pour ce que tu dis, je suis contre ce que tu dis », où là, de mon expérience, c'est souvent le plus fort qui gagne, c'est comment je peux faire avec ce que tu dis ou sans. C'est-à-dire, si je suis pas d'accord, je m'en vais et puis voilà, on va faire sans. Mais voilà. Et donc c'est là où on rentre sur des postures de coopération. Et pour moi, ça c'est un vrai défi que nos sociétés ont à répondre aujourd'hui. C'est-à-dire comment on peut intégrer la voix de chacun sur une place où potentiellement, comme tu le rappelles, n'importe qui peut arriver et les opinions sont très diverses ici. Est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que c'est une force? Et comment on peut transformer ça d'une faiblesse en une force? Et pour moi, ça passe vraiment par un changement de posture par rapport à ça. Et de mon expérience... mettre en place ce type de mode de décision vient directement questionner ça. Questionner c'est quoi mes mécanismes par rapport au pouvoir, comment j'ai l'habitude de mettre en place des choses qui me permettent de prendre le pouvoir sur les autres d'une manière directe ou pas directe. Ça peut être par de la rhétorique, ça peut être par des relations, enfin des choses qui se passent dans les relations hommes-femmes par exemple, comment j'ai tendance à couper la parole ou pas, comment j'ai tendance à m'exprimer selon mon point de vue ou pas, ou essayer de parler à la place des autres, essayer de dire ce que tu penses en fait, c'est clair, c'est de parler à la place des autres, voilà. Et ça c'est toutes ces règles dont on parlait tout à l'heure qui font, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui à mon sens viennent vraiment participer à faire évoluer la coopération, et pour moi rattachée au troisième mot de notre devise française qui est fraternité. Moi, si j'ai une raison d'être que j'inscrirais dans un mouvement social tel que celui-là, c'est comment on peut retrouver une fraternité les uns les autres, c'est-à-dire se sentir vraiment frères et sœurs. Alors juste indication, l'atelier on le fait plus parce que là on part sur les tours de parole et c'est long, donc on préfère continuer les tours de parole. Donc si vous voulez parler, vous me faites signe. Là maintenant ça Amel, vas-y, tu peux parler. Rebonjour. Donc je voulais intervenir aussi sur la question de en gestion de crise. Donc lorsqu'il y a une crise qui s'annonce, comment est-ce qu'on va gérer cette situation, parce que ça demande une rapidité en fait de réponse, et du coup on n'a plus le temps de passer par tous ces processus de sociocratie qui prennent du temps, de donner la parole à toutes les personnes et que tout le monde soit d'accord sur une idée. Donc à mon avis, il faut aussi faire des protocoles en cas de crise, donc comment gérer ça. Et aussi par rapport à, donc j'ai entendu Global Debout, donc c'est le fait qu'il y ait des nuits debout dans tous les pays, par exemple en Europe et dans d'autres pays, l'Afrique ou voilà. Et comment est-ce qu'ils vont être connectés entre eux pour qu'il y ait une efficacité économique? Et à mon sens, lorsqu'il y a un véritable impact économique, c'est là qu'on peut vraiment peser en fait. Parce que finalement on est dans un système capitaliste, donc c'est aussi l'argent qui dirige. Donc lorsque il y a une véritable efficacité économique, donc des projets qui seraient horizontaux mais à des échelles beaucoup plus globales, et mettre en place des structures, donc notamment la production de denrées alimentaires ou la production de tout, de produits et tout. Donc voilà. Je vais répondre à la première partie. En fait, je me rends compte que je suis sur une position un peu là de tribune, et du coup, je donne des enfin, je fais des positionnements très personnels et je suis pas en fait vraiment à l'aise là-dessus. Je suis venu pour apporter des choses sur la sociocratie, l'holacratie, et je vais essayer de revenir à ça et de m'en tenir à ça. Et donc sur ce que tu apportes, effectivement, comment trouver le truc entre efficacité et prendre la vie de tout le monde. En holacratie, il y a une décision, par exemple, la sollicitation d'avis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je prends l'avis des gens qui sont directement concernés. C'est pas forcément long, parce que l'idée est pas forcément d'arriver à un consensus, mais au moins que chacun soit écouté. Ça, je pense que ça reste quelque chose d'assez fluide. En sociocratie et en holacratie, surtout, il y a des mécanismes qui prévoient de détecter quand est-ce qu'on est sorti justement en cas de crise. Peut-être qu'on a détecté, on est sorti du mode de gouvernance qu'on s'était donné. On a cassé les règles du jeu. L'holacratie dit, ok, on peut, c'est possible, mais par contre, on met en place un processus qui va nous permettre de revenir dans ce processus. Ça, c'est pour le point de vue global. C'est arrivé dans des organisations comme ça. Ils ont mis en place et à un moment donné, ils ont dit, j'arrête, je me pose, je le dis. On arrête l'auto-organisation, je reprends la main parce qu'on a un truc compliqué à gérer, et puis je vous la redonne après. Là, faut faire là c'est des postures de dirigeants, en fait, c'est des postures de gens qui sont capables de faire ça. Et c'est, pour moi, ça demande aussi d'avoir fait un travail sur soi, en fait, d'être à un niveau de confiance en l'organisation et de pouvoir reprendre aussi en confiance en soi pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et très techniquement sur l'holacratie, il y a la notion d'action directe. En fait, en holacratie, on va préciser tout le temps ce que c'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est quoi ? C'est quels sont les rôles qui existent ? C'est quoi leur raison d'être ? C'est quoi leur redevabilité ? Dans un monde idéal, ça devrait être à jour tout le temps. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, ça veut dire que j'occupe un rôle et que c'est prévu dans la gouvernance. Mais à un moment donné, je peux détecter une situation où je me rends compte que la gouvernance ne répond pas à ça. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Mon rôle, c'est peut-être déjà de faire l'action, puisque j'ai détecté quelque chose, donc je suis peut-être la meilleure personne bien placée pour le faire, donc je vais faire l'action. Et mon deuxième devoir, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, c'est-à-dire qu'on sépare les réunions de gouvernance et les réunions opérationnelles, c'est-à-dire qu'il y a des espaces dédiés, on va parler de la gouvernance, c'est-à-dire comment on dessine l'organisation. Et quand je détecte quelque chose qui n'est pas prévu dans l'organisation, c'est de le ramener dans cette réunion-là et de dire, j'ai fait quelque chose qui est prévu par aucun rôle, qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, on doit répondre. Et donc, ça génère ce qu'on appelle une tension. Et donc, j'amène ça et je demande à l'organisation de traiter cette tension et donc qu'on prenne une décision pour adapter notre gouvernance. Donc on est vraiment sur quelque chose où on s'adapte en continu à ce qui apparaît, et puis surtout d'aller préciser de manière itérative, parce que ça veut dire que régulièrement, ces réunions, on les prévoit dans le temps, par exemple tous les mois, on se pose et on se dit, est-ce que notre gouvernance, est-ce qu'elle est à jour ? Est-ce qu'il manque des choses ? Est-ce qu'il faut la faire évoluer ? On se pose cette question tous les mois. On part du principe que la gouvernance parfaite n'existe pas, n'existera jamais. On peut juste essayer de la découvrir le plus possible et puis la faire évoluer parce que l'environnement est changeant et qu'on a besoin de s'adapter à des choses qu'on n'aura pas prévues. D'accord. Maintenant, on va passer à Pierre. Oui, la différence avec Edgar Morin, c'est qu'Edgar Morin a pondu sa théorie et qu'il n'a pas le terrain pour l'appliquer, et que Nuit Debout s'est pondu lui-même sans théorie. Donc la question qui se pose, c'est pas quelle est notre raison d'être, c'est qu'est-ce qu'on est ? Quel est notre être ? Et donc, j'ai imaginé un atelier qui tente de répondre à la question en développant sa propre complexité dans le réel. Donc, c'est le 3 décembre, et donc j'ai commencé un casting, je ne suis pas tout seul, puisque c'est la galerie avec François et Yasna. Je fais un casting pour concernant les intervenants potentiels. Donc, voilà, c'est commencé. Merci. Tu veux répondre ? Vas-y. Ça fait écho à un film que j'ai vu ce matin qui s'appelle Être et devenir, qui parle des nouvelles formes d'éducation à travers notamment l'éducation hors école que certaines familles choisissent d'appliquer à leurs enfants et qui est basée sur l'amour, la confiance, la liberté. Et j'ai l'impression que Nuit Debout, c'est un peu ça en fait. C'est un peu une génération ou des générations qui n'ont pas eu accès à cette liberté, à cet amour, à cette confiance, qui redécouvrent ça et qui mettent du temps à pondre quelque chose de l'être et du devenir. Merci. Alors après, il y avait une liste que tu voulais parler. Je crois que je ne la vois plus. Donc on va passer à l'autre. Vas-y Adèle, maintenant c'est à toi. Oui, moi si j'ai bien compris par rapport à la raison d'être, en fait, c'est petit à petit avec les raisons d'être évolutives que l'être va se définir. C'est en voyant, en expérimentant de quelle façon on avance, petit à petit on voit de plus en plus vers où on va, où on délimite de plus en plus son champ, et c'est là où l'être se définit en fait au final. Parce que définir l'être avant, je suis pas sûr que ce soit possible, et je pense que là c'est un petit peu prise de tête. Moi je voulais juste revenir, mais très très rapidement, par rapport à ce qu'on a dit sur Nuit Debout, la raison d'être de Nuit Debout. Pour moi, alors oui, il y avait deux choses. La première, c'est on a dit contre la loi travail, et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que une raison d'être, ça peut être contre. Est-ce qu'une raison d'être, c'est pas forcément pour quelque chose, dans l'idée de créer quelque chose, parce que une raison d'être qui est contre, bah, elle pourrait être contre tout le temps. Enfin, je me demande si une raison d'être peut être contre. Donc ça, c'est vraiment la question. Et du coup, moi, j'étais tout à fait d'accord avec l'idée, plutôt que chaque commission peut définir sa raison d'être, en effet évolutive. Mais par contre, pour Nuit Debout, mis à part, comme toi qui le disais, fédérer un mouvement citoyen, voilà, ça peut être tout comme raison d'être. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de définir les règles de sécurité. En effet. Et là, ça peut être au sein de Nuit Debout comme au sein des commissions. Ça semble le travail qui est encore à faire. Sur le contenu de la raison d'être, non spécifié. C'est-à-dire que ça, c'est les gens qui créent le groupe sont les plus à même de savoir quelle est la raison d'être. Elle peut être pour quelque chose, contre quelque chose, en dehors de ce positionnement-là, enfin sur n'importe quel positionnement. Là, c'est vraiment une décision du groupe. En général, c'est les fondateurs, c'est les 2-3 personnes, peut-être 10 personnes qui mettent ça en place au départ, et puis après ça évolue dans le temps. Dans le cadre d'organisations type associative, entreprise ou quel que soit. Donc là, dans le cadre de Nuit Debout, c'est particulier parce que il y avait peut-être une raison d'être de départ qui était claire pour tout le monde, et puis aujourd'hui, est-ce que l'évolution elle est partagée? C'est une autre question, et je pense que effectivement c'est extrêmement compliqué de travailler sur cette question dans notre cadre actuel, et qu'il y a d'autres leviers comme effectivement travailler sur les règles de fonctionnement de base, comment on prend des décisions, comment on se comporte les uns les autres, voilà, qui peut-être aussi en travaillant là-dessus. Permet de découvrir petit à petit aussi la raison d'être. En fait, c'est ces trois piliers, à mon sens, ils sont interconnectés, c'est-à-dire que en mettant en place un ou deux, le troisième arrive assez rapidement. Voilà, ça c'est. Et peut-être qu'effectivement ici c'est plus simple de travailler sur les règles de sécurité, quoique ça c'est. Enfin, les règles de sécurité, sur les règles communes. Voilà, quoique il y aura. Voilà. Très rapidement sur la notion de pour, contre et puis avec et sans, à mon sens, donc c'est vraiment personnel, à mon sens, créer un imaginaire commun autour du avec et sans, ce n'est pas se dire qu'il faut absolument éviter d'être dans du pour ou du contre. Il y a l'imaginaire commun qu'on peut se créer, et puis il y a le réel qui est là, qui est autour de nous, qui peut être violent, et du coup il faut accepter en fait les quatre notions, le pour, le contre, avec et sans. Et le plus important, c'est d'en être conscient, en fait, d'être conscient que parfois on est sur du contre, et être sur du contre, c'est une autre forme de violence. C'est pas forcément c'est pas forcément arrêter d'être contre que de dire ça. C'est pas forcément arrêter d'être contre, d'en être conscient, c'est juste d'en être conscient et rester dans cet équilibre un peu dangereux mais nécessaire qui est les luttes en fait en général, qui sont toujours dans cette notion du contre et toutefois avec l'espoir de créer quelque chose et donc d'être dans du pour et éventuellement dans un idéal futur, de faire avec voire sans. Voilà, faut remettre chaque notion à sa place en quelque sorte, du moins c'est ma vision. Merci. Alors, donc là on va prendre les trois derniers tours de parole, mais Mehdi tu vas conclure après. Vous deux vous allez conclure aussi, et puis on va arrêter là comme ça. Et aussi, dernier truc, on vous remercie d'être là quand même malgré le froid. Attends, il y a trois tours de parole avant. Alors, merci à tous d'être là. Il fait super froid et c'est juste hyper génial que vous soyez là. L'idée de l'atelier, et j'ai vu cette idée émerger en fait à travers les questions, c'était de peut-être d'essayer de concevoir un jeu de société qui mette en pratique les règles de la sociocratie. Et donc, on a un peu rêvé à ça avec des camarades de la commission Jeux Debout. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, parce que de toute manière, c'est pas maintenant qu'on va le faire, ce jeu. On est juste trop glacé jusqu'aux os. Donc, c'est pas maintenant. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est, je prends vos emails et on va convenir d'un endroit d'une heure et puis on va commencer à travailler sur cette thématique-là. Et il y a trois dernières questions, elles vont être très rapides, ça va être la manière de finir un peu cette éduque pop debout qui a duré près de 2 heures, donc c'est assez exceptionnel. Antoine, je crois que tu étais la prochaine question, donc ne hésite pas à rester. Et voilà. Donc les gens qui sont intéressés par la confection d'un jeu de société autour des règles de la sociocratie, je vous en prie, venez me voir, on va noter votre nom et puis on va prendre rendez-vous dans un endroit chaud et agréable et accueillant dans lequel on va pouvoir travailler et imaginer cet espace comme ça de créativité autour de ces règles de sociocratie. Merci encore. Merci. Donc maintenant Antoine. Ouais, donc bon, moi je suis content que vous soyez là parce qu'on essaie d'organiser Nuit Debout depuis des semaines et des mois et on a du mal. En fait, ce que je voulais dire pour vous, en fait, sur la sociocratie, le problème, je pense, à Nuit Debout, c'est que c'est pas une organisation, en fait. On dit c'est une organisation, mais non, c'est pas une organisation. Il y a du CPOP, il y a la CUL, et chacun est quand même assez libre, assez autonome. Pour l'instant, on n'a pas de règles de gouvernance. Après, il y a aussi tous les Nuits Debout des villes. Parce que déjà ici il y avait 80 commissions, il y en a peut-être encore, mais elles existent encore les commissions, c'est-à-dire qu'ils sont partis, font d'autres choses ailleurs, écologie sont ailleurs, etc. Et c'est pareil avec les villes de province. Donc comment on peut faire pour créer un cadre, parce qu'en fait c'est ça l'histoire, que ce soit de la sociocratie ou autre chose, à partir du moment où tout le monde est diffus, tout le monde est dans ses collectifs et veut pas forcément revenir. Et à la limite chaque groupe peut fonctionne, je pense, un peu en sociocratie. C'est comme des cercles et ça se passe pas mal. Hein. Du coup, pas pareil aussi. Nous, on est jurés citoyens, on fait nos actions, l'écologie fait ses actions. Mais c'est toujours compliqué de créer du collectif. Créer des valeurs, je crois qu'on en est incapable. Quoi, franchement, créer un objectif global, si on dit qu'il n'y a qu'un objectif, tout le monde va s'entretuer. Et c'est comment retrouver du lien entre les différents. Quoi. Voilà, si vous avez des trucs par rapport à ça, bah, ça nous intéresse pour qu'on refasse le lien de tous les Nuits Debout, quoi. Merci. Alors, réponse directe. Oui, bah, je partage l'analyse. C'est peut-être la différence entre un mouvement et une organisation. Effectivement, il y a quelque chose de très chaotique, en fait, c'est-à-dire en réorganisation constante, mais en même temps, le chaos, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de créativité. Donc, c'est un espace aussi intéressant pour ça, qui peut-être est pré-organisationnel, c'est-à-dire que je pense que de ce mouvement-là vont naître plusieurs organisations, comme on a pu le voir dans le passé, enfin quand on prend ce qui s'est passé en Espagne avec le mouvement des indignés qui a donné naissance à plusieurs mouvements politiques, plusieurs organisations politiques et d'autres associations de quartier, voilà. Donc ça c'est, on va dire, ma vision là-dessus. Après, ça me fait penser qu'il y a une question qu'on a finalement pas tant développé que ça et qui pour moi est vraiment crucial. Pourquoi ce mouvement, il a à mon sens une forme qui est hyper horizontale et qui n'autorise pas la verticalité, c'est-à-dire on va essayer de supprimer toute forme de hiérarchie qui tendrait à vouloir émerger. Pour moi, c'est le principal frein au développement d'une organisation, que ce soit en sociocratie ou en holacratie. Pour moi, l'holacratie, je la trouve intéressante parce que on a une autorité, on a une forme de verticalité, sauf qu'elle est distribuée et elle est hyper claire. Elle s'organise différemment. Elle n'est plus par étage, mais elle est imbriquée, concentrique. C'est pas une notion qui est forcément évidente à saisir, mais par exemple, souvent la question que je pose, c'est chez vous, quand je dis chez vous, dans votre corps, qui commande ? Est-ce que c'est votre cerveau ? Alors aujourd'hui, on a découvert qu'on avait un cerveau dans le ventre aussi. On a un cerveau dans le cœur en termes de neurones. Donc il y a beaucoup d'intelligence. Mais après, si on regarde au niveau biologique, on a des cellules. On est composé de sels minéraux. Donc on est aussi des cailloux quelque part. Donc est-ce que les cailloux commandent ? Est-ce que l'eau commande ? On est 80% d'eau. Est-ce que l'eau commande ? En fait, ma réponse, et la réponse de l'holacratie, c'est tout le monde commande dans cette histoire. Et chacun a un périmètre d'autorité très clair. Et tant que l'eau n'a pas accepté, je ne vais pas filer cette métaphore, mais tant qu'on n'accepte pas le périmètre d'autorité de l'autre, on reste dans quelque chose qui est de très informe, de cette magma primordiale qui on n'est pas que physique, il y a plein de dimensions, par exemple. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de équilibre entre verticalité et horizontalité. Tant qu'on n'a pas, pour commencer une organisation structurée qui fonctionne et qui peut avancer, il faut un projet de départ, il faut quelque chose de clair, il faut qu'à un moment, il y ait un planté de bâton, c'est une personne, deux personnes, un groupe qui disent, voilà, nous, on va là. Et on le pose clairement, et qui même me suivent. Et en général, c'est comme ça que commencent ces aventures. C'était ma réponse. Alors maintenant, on va passer à Mathéo. Bon, moi, ce que j'ai à dire est assez rapide. C'est que j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de la question d'identité. Moi, j'ai été surpris qu'on se demande encore, en fait. Pour moi... on peut se demander à quoi a servi. On peut voir que ça a été un moment contre la loi travail, ça a été un moment pour l'éveil de la citoyenneté, mais aujourd'hui, à force de se demander qui on finit par ne plus rien être du tout, en fait. Et je pense qu'il vaut mieux, laisser la spontanéité faire et parler entre nous de tel ou tel sujet, pas ne pas écouter les autres, mais ne pas être dans En fait, j'ai l'impression que on n'avance pas si on se demande qu'est-ce qu'on veut être. Je peux qu'il s'y disait ça peut-être Joas, qu'il faut aller à l'idéal mais quand même rester au réel. Et je pense que si on est en permanent questionnement, on finit par se recentrer sur nous-mêmes et puis ne plus avoir aucune portée en fait. Et aujourd'hui, on dirait qu'il ne se passe plus rien, mais il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire que on peut voir qu'au niveau de. Au niveau des actions de Nuit Debout, on peut voir qu'il y a eu un pic d'action contre la loi travail, ça a donné une vraie énergie, et que maintenant, cette énergie, à coup de 49.3, c'est un petit peu cassé la gueule. Mais il se passe quand même des choses politiquement. Politiquement, la scène n'est pas vide, et donc je pense qu'on se demander ce qu'on fait, c'est faire. Je veux dire, à force de se demander ce qu'on fait, on finit par ne plus rien faire. Et donc je pense qu'on devrait fixer des choses à faire politiquement. Forcément, on peut pas, comment dire, il y a une deuxième donnée, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai remarqué une vraie volonté dans ce, on peut appeler mouvement, d'écoute des autres, ce qui est génial, mais à force de vouloir contenter tout le monde, contenter les 80 commissions, contenter tous les gens, on finit par ne plus rien faire, puisque par définition... tout le monde a un avis légèrement différent, et si on écoute toutes les nuances d'avis, on finit par s'asseoir et regarder la télé. Voilà. Je vais essayer de... Bah, je te rejoins complètement en fait sur l'idée de, d'inaction, de peur de, d'agir, de recherche de soi en quelque sorte, un peu comme une crise identitaire d'une personne qui ne saurait pas qui elle est et qui serait en recherche continuelle d'être, de comprendre ce qu'elle est et qui du coup pourrait être anesthésiée sur toute forme d'action. Sur toute forme de, d'agir, de faire au-delà de l'être, donc être et devenir, comme je disais tout à l'heure, et j'ai l'impression que c'est vachement lié à ce qu'on appelle la verticalité. La verticalité, c'est ce qui permet justement d'agir. Et peut-être qu'on est, en tout cas c'est mon avis de l'expérience Nuit Debout, c'est qu'on est tellement traumatisé par une verticalité tellement forte depuis quelques années, qu'on a cette tendance à se replier sur nous-mêmes et à se regarder le nombril en quelque sorte, de peur de reproduire des schémas que nous n'aimons pas. Et à travers ça, bah, en fait, on se fait avoir à notre propre jeu et on attend en fait un peu patiemment qu'on trouve une solution, mais en fait on a juste peur. On a juste peur de nous-mêmes et ce nous-mêmes, c'est en quelque sorte une forme de, en tout cas c'est mon avis, c'est ce qu'a produit ce système qu'on n'aime pas. On est ce qu'a produit ce système qu'on n'aime pas. Et comment se guérir? Du coup, c'est ça la question. Tu veux répondre aussi ou pas? C'est bon. D'accord, donc maintenant on va passer à Enro. Après, il y a une personne, et puis après, Mehdi, tu vas conclure, et les deux intervenants vont conclure, et puis voilà. En vous remerciant hein, pour la sociocratie, moi j'ai découvert ça grâce à vous et c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je pense effectivement qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce nouveau concept, notamment la mise en avant de, je dirais, de l'éthique de la discussion. Hein, et ça, c'est vraiment très très intéressant. Et alors, par contre, là où peut-être on pourrait aussi évoquer les limites peut-être de ce modèle-là, me semble-t-il, parce que tout à l'heure, il était question de mettre en différence démocratie et sociocratie. Et si j'ai bien compris, la différence entre les deux, c'est que la démocratie est un système qui permet à plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de lien entre elles, d'être, disons, gérées par un système de gouvernement. Alors que la sociocratie, elle, implique une relation organique entre les liens. C'est-à-dire que tout le monde doit se connaître et que tout le monde doit connaître tout le monde. Et ça... Personnellement, ça me renvoie à des visions un petit peu organicistes, pour ne pas dire darwinisme, pour ne pas dire aussi darwinisme social, et surtout qui porte atteinte à un concept fondamental, à deux concepts en fait. Premièrement, le concept de liberté, et deuxièmement, le concept d'anonymat, que la démocratie garantit, mais que la sociocratie, en revanche, si on l'étend, ne garantit pas. Donc, alors moi je dis, il y a plein de choses très positive à prendre, mais méfions-nous de ne pas tomber dans une nouvelle forme d'organicisme et voire même malheureusement de totalitarisme. Merci. Donc, réponse directe, vous voulez ? Pour moi, il ne s'agit pas d'opposer démocratie et sociocratie. Pour moi, la sociocratie est une forme de démocratie. La démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui en France est une forme de démocratie. Il y en a d'autres. Le tirage au sort est une forme de démocratie. Et chacune a ses limites. Et à mon sens, s'il fallait construire une nouvelle forme d'organisation démocratique, par exemple pour un État aujourd'hui, bah, il s'agira de ne pas reproduire certaines erreurs qu'on a eues par le passé, d'essayer d'en corriger le maximum possible. Et de ne pas forcément se coller à des modèles démocratiques qui s'appliqueraient sur des organisations de petite taille. Et du coup, en fait, c'est juste ce qu'on a à faire, c'est innover. C'est pas reproduire la sociocratie à grande échelle, mais c'est juste d'innover, de s'appuyer en termes d'ancrage sur des concepts, sur une philosophie, sur des chercheurs, en tout un tas de choses. Et d'essayer d'innover à créer une nouvelle forme de démocratie où il y aurait de l'éthique de la prise de parole et du faire ensemble, et il y aurait également d'autres éthiques partout dans le système en fait à créer, à innover et à imaginer. Et oui, en effet, enfin voilà. Merci. Donc on va passer pour la dernière intervention. Lille. Alors, je voulais dire, du chaos naissent les étoiles. Des fois, il faut le chaos pour. C'est beau, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est et sinon, l'égalité, moi, liberté, égalité, fraternité, ça. Égalité, c'est hyper compliqué. En plus, on n'est pas forcément égaux au même endroit. Enfin, ça évolue aussi, ça aussi. En bien ou en mal, après. Mais voilà, c'est pas un truc fixe, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, donc, au nom d'Éduc Pop, on vous remercie d'être là, malgré le froid, d'être resté. Au nom d'Éduc Pop, on remercie Mehdi d'avoir parlé. On vous remercie, vous deux, les intervenants. C'était très intéressant. Donc maintenant, Mehdi, tu vas conclure. Vous deux, vous allez conclure. Et puis, sur ce, je vous souhaite tous une bonne soirée. Et au week-end prochain pour Éduc Pop. Voilà. Alors, je laisse à mes camarades l'occasion de conclure. Et puis ensuite, je vous donne un rendez-vous en ce qui concerne la sociocratie tout de suite après. Ok. bah merci d'être là. Merci d'avoir permis d'être là. En fait, pour moi, c'est un peu particulier, comme je vous le disais, parce que c'est des sujets qui m'importent et je trouve ça chouette de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous ici sur la place de la République. J'aime bien, je reste un peu avec la fin de la discussion sur est-ce qu'il faut mettre en place la sociocratie au niveau de l'État ou tout ça. Pour moi, je ne poserai plus la question comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est que c'est des nouveaux modes d'organisation qui apparaissent parce que notre rapport au monde a évolué. Il y a eu d'autres modes d'organisation avant. Avant le système pyramidal, il y avait d'autres systèmes qui n'étaient pas pyramidaux, qui étaient plus basés sur la terreur et qui existent encore dans des zones en conflit, dans des zones en chaos aujourd'hui. Mettre la sociocratie en Irak aujourd'hui, je pense que ça ne sert à rien. Enfin, voilà, chaque contexte favorise certains modes de prise de décision. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de notre histoire où on a besoin de faire différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que de mettre en place ces nouveaux modes de décision et d'organisation me fait évoluer, moi, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à comment je me perçois moi, comment je perçois les autres et comment je perçois l'organisation. Et ça, je trouve ça fondamental. Ma croyance, c'est plus on mettra en place ce genre d'organisation et plus on va changer nous-mêmes notre rapport aux autres et à la société, à un moment donné, mécaniquement, ça va faire évoluer les institutions, ça va faire évoluer le concept de l'État tel qu'on se le dit aujourd'hui. Donc mon message que j'aurais envie de faire passer, c'est que si vraiment ces sujets vous intéressent, emparez-vous-en. Mettez en application, testez des choses dans vos assos, dans vos groupes, faites-le, et puis vous allez faire des trucs, vous allez vous planter, vous allez vous ramasser, vous allez apprendre, vous allez rire, vous allez pleurer, mais de tout ça, il y a des choses qui vont naître et qui vont faire grandir et évoluer la société. Merci David. Moi, je vais être très très court et juste vous remercier en fait à nouveau. Et j'étais très content de partager ce moment avec vous. Alors donc, comme le disait à l'instant David, on peut prolonger tout ça. J'ai fait un peu le tour. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par la construction d'un jeu de société qui utilise les règles de la sociocratie. Donc je vous en prie, venez vers moi. Il y a déjà 7-8 personnes qui se sont inscrites. Il y a plusieurs endroits en fait à Paris qui sont prêts à accueillir des réunions de nuit debout. Donc ça sera au chaud en plus. On va essayer de mettre en place les premières réunions dans moins de 15 jours pour établir un petit programme de travail. Hein. L'objectif, ce serait de faire un jeu de société. Donc je ne sais pas si vous connaissez le loup-garou, par exemple, ou Imaginons le jeu de loi ou un Monopoly, enfin je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais ça sera avec l'aide de la commission Jeux Debout, de Nuit Debout, enfin bref, vous avez compris. Il y a du debout là-dedans partout, et donc l'idée, ça sera d'essayer de construire quelque chose ensemble. Et donc voilà, venez vers moi, je prends vos adresses e-mail et je vous préviendrai de l'endroit, de l'adresse. On essaiera de trouver un truc qui convienne au maximum, hein. Là, pour le coup, on va être obligé de fonctionner par consensus. Je suis désolé. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis on se donne rendez-vous. Et puis peut-être que ben on reviendra dans 3-4 mois en disant ben voilà, on a fait ça. Et c'est quelque chose qui sera peut-être proposé au lancement de l'anniversaire de Nuit Debout le 31 mars. Ah, qui sait. Ah, on va se rêver. On va rêver. Voilà. Donc merci encore à tous. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Merci encore. Éducation populaire, maintenant. Non, on est encore là le week-end prochain. Ça risque d'être le dernier week-end où on est là samedi dimanche parce que bah il fait froid. Donc on est là de 15h à 19h samedi prochain et dimanche également. On a toujours besoin de gentils bénévoles pour nous aider. Et donc voilà, tu disais quoi ? Je disais juste que je pense qu'on peut applaudir les intervenants parce que c'était très intéressant et très constructif. Comme tu veux. Voilà, donc rendez-vous le week-end prochain et puis bah, bonne soirée, mangez des soupes chaudes et des trucs savoyards. Voilà, pour rigoler. Sur la place, ouais, sauf l'atelier. Sur la place, mais sinon on aura un lieu, quand on aura un lieu, on le fera, mais non, la dernière... après, mais la dernière avant l'hiver. Populaire sous la neige et tout. L'atelier peut-être. Ce serait bien, tu sais, avec les bâches légères. Non, c'est vrai. L'atelier peut-être sous la neige, mais je t'avoue que là, l'idée. Après avoir exposé aux téléspectateurs des informations anxiogènes, avec une attention toute particulière à la santé, donc anxiogène, c'est donc tout ce qui joue sur les peurs, donc des infos très anxiogènes sur des épidémies, sur une campagne anti-tabac et sur la sécurité, des menaces chimiques, des contrôles sur l'immigration et des faits divers,